Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va, Roman, quelques jours avant Halloween? Mais ça va bien, et toi, ça va bien? Bah ça, deux épisodes en, sur un format, sur un laps de temps quasi régulier. Oh mon dieu, que se passe-t-il? Il y aura pas d'épisode en novembre, mais en décembre, il y aura du lourd. Oui, ça va être chargé en décembre. Mais donc, dis-moi, effectivement, quelques jours avant Halloween, quel est le sujet du jour? Eh ben, aujourd'hui, on va parler des films d'horreur qui traitent de la fête de Pâques. Alors, la fête de Pâques... T'avais fait la même vanne l'année dernière. Sur Pâques aussi? Oui. Oh putain. Sûr et certain. Oh la vache. Je tu vieillis. Je vieillis, tu deviens sénile. Non, bah évidemment, on fait la suite de notre deuxième épisode qu'on avait enregistré. On rajeunit pas. On rajeunit pas, c'était il y a 2 ans maintenant. Donc voilà, épisode Halloween 2. Alors on avait pris beaucoup de films un peu cultes de cette période de l'année dernière. Mm-hmm. On a dû un peu diguer pour trouver des films moins communs. On va pas se mentir, c'est que Halloween, comme toutes les fêtes traditionnelles, ont ce problème qui est que c'est très facile de faire un film d'horreur autour d'Halloween. C'est qu'en gros... tu fais n'importe quel film d'horreur un peu pourri, tu mets 3 citrouilles et hop là, ça se passe à Halloween. C'est-à-dire, Noël étant le roi dans le domaine, parce que Noël, tu fais un Père Noël tueur, un Krampus tueur, une Mère Noël tueuse, un lutin tueur. Tu fais tout ce que tu veux, n'importe quel dobas, et ça passe, suffit de voir n'importe quelle plateforme de streaming pour ça. Mais Halloween, les bons films d'horreur qui se passent à Halloween, c'est pas forcément facile à trouver. On a dû diguer, on a dû faire des choix, on a même dû tricher un peu sur l'un des films. Ouais. Vous verrez. Voilà. Et donc, est-ce que tu veux commencer par... parce qu'on avait déjà parlé de nos films d'Halloween de cœur. Est-ce que t'en as un ou deux qui te vient en tête, là, maintenant, par rapport à il y a 2 ans? Honnêtement, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à il y a 2 ans. Vous verrez la sélection qu'on vous a fait. Mais toi, du coup? Bah, Deadstream, ça se passait à Halloween? Je sais pas. En période 2, il me semble. Peut-être. J'aurais pu dire Deadstream, mais effectivement, Trick or Treat 2, le jour où il sortira. Toujours pas. Mais donc, effectivement, dévoilons nos sélections. Je te laisse démarrer. J'ai peut-être pris le film le plus obvious de la sélection, à savoir Halloween 3 de Tommy Lee Wallace. Puis Trick or Treat, pas le Trick or Treat de 2007. Farce ou festin en français. Hein, ouais, farce ou festin. Voilà. Très très très très très beau nom. Et et enfin, Murder Party de Jérémy Saulnier. Premier film de Jérémy Saulnier, qui a sorti un de ses films il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix, Rebel Ridge. Okay. Et alors, et moi, donc j'ai pris VHS, qui est le film pour lequel on triche, parce qu'il y a un segment qui se passe à Halloween, qui est réalisé par tout un tas de gens, certains merveilleux et d'autres vachement moins. J'ai pris 31 de Rob Zombie, en fervent défenseur de cette énergumène que je suis, et j'ai pris Night of the Demons de Kevin, et à chaque fois j'oublie son nom, mon dieu, mais bref, d'un réalisateur éminemment sympathique, sorti en 88, l'original, bien évidemment. Et donc je te propose qu'on attaque sans plus tarder, c'est toi qui démarre. C'est moi qui démarre. Alors Halloween 3, réalisé par Tommy Lee Wallace. Donc qui est Tommy Lee Wallace déjà? C'est... Fear Street. Non, pas Fear Street, mon dieu, Fright Night. Pardon. Fright Night 2. Fright Night 2. Alors, mais avant tout, c'est le petit protégé de John Carpenter. C'est-à-dire que Tommy Lee Wallace, il est monteur et un peu directeur artistique sur Halloween et Fog. Il va devenir ensuite réalisateur. Alors d'abord avec Halloween 3, puis ensuite avec Fright Night 2, Vampire, vous avez dit Vampire 2. Très sous-estimé, film très chiant à trouver aujourd'hui, parce qu'il a été édité une fois en DVD dans certains pays, et depuis, pas trouvable. C'est ça, c'est ça. Il va ensuite réaliser le cultissime téléfilm Ça, en 90, qui a... Qu'il ne faut pas revoir. Qui a ma vie, que perso j'aime toujours énormément, mais... Oui, mais parce que c'est ce que les souvenirs parlent, faut pas le revoir, quoi, c'est... Et surtout, faut aimer une certaine patte, une certaine époque... Les effets spéciaux numériques... Il y en a des crados, hein. Pas tant. L'effet spécial de la douche? C'est pas du numérique, c'est de la stop motion. Oui, mais il est crado quand même. Il est crado, mais il est attachant. C'est des effets spéciaux, on m'a le vie. Mais il est attachant. En général. J'ai dit monteur et directeur artistique sur Halloween et Fog, il est monteur et production designer, et il est par contre directeur artistique sur Asso, et réel de seconde équipe sur Jack Burton, donc quand même un bon CV. Oui. Et T'as oublié qu'il a réalisé une des pires suites dans les films de John Carpenter. Il a réalisé avec Vampire... un des castings les plus... Il a réalisé Vampire 2, Los Muertos. Voilà, avec John Bon Jovi dans le rôle principal, qui est meilleur chanteur qu'acteur. C'est peu dire. Qu'on voit aussi dans Happy New Year, John Bon Jovi. Ouh, oh oui, non mais il a un CV. Gary Marshall, lui un jour il devra répondre de ses crimes, hein. c'est pas possible. Et quand t'aimes pas Taylor Swift au cinéma? Bah non. Bah évidemment que non. Quoique, si vous avez l'occasion de voir Valentine's Day en VF, ça rend le film infiniment meilleur. Alors, on partait pas de très haut, faut l'admettre. Mais la VF de Taylor Swift, c'est criminel. Mais je pense que c'est volontaire, mais ça reste criminel. Et accessoirement, Tommy Wallace, il est aussi scénariste de Amityville 2. Oui, qui est, que moi je trouve vachement meilleur que l'autre, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, au scénario du film, on a Tommy Lee Wallace et Nigel Neal. Alors, Nigel Neal, qui avait entre autres écrit la première adaptation de La Dame en Noir en 89. Oh, oh là, ça remonte ça. Ouais. Et il était aussi scénariste sur une saga qui s'appelle Quatermass, une saga horreur SF dans les années 50. Oui, oui, oui, produite par la Hammer. Et Quatermass, il y avait même une expérience, c'est que le classement le plus haut, c'était le classement X. Et qu'en fait, ils avaient poussé pour avoir ce classement X, et ils l'avaient mis, je crois que c'était Experiment, un truc comme ça. Mais ouais, super saga. En tout cas, les deux premiers sont vraiment trop trop bien. J'aime mieux. Bah, après, la Hammer, en général, c'est vrai. Faudrait que je me penche dessus, mais oui, oui, oui. Et alors vite fait, à la prod, on a quand même une sacrée brochette de producteurs, puisqu'on a bon Mustapha Akkad sur toute la saga. Bah, qui est mort il y a pas si longtemps que ça. Quelques années, je crois. Qui est mort il y a pas si longtemps. Et qui est mort au moment de la pré-prod du Halloween de Rob Zombie. C'est pour ça ça commence à remonter un petit peu. Ouais, et c'est pour ça que c'est. Oui, en 2005, je viens de voir. Oui. 2005, pardon. Et donc, c'est les derniers films de la saga produits par Carpenter et Debra Hill avant le retour de Carpenter pour la trilogie Blumhouse. Mm-hmm. Et on a Dino De Laurentiis à la prod de celui-là. Ouh, l'homme de mille et un films, l'homme capable de tout. Exactement, et surtout de n'importe quoi. Oui, oui, oui, surtout de n'importe quoi. Non, Dino De Laurentiis, si un jour vous mettez en tête de faire un marathon, mouillez-vous la nuque avant. C'est. Faut savoir se préparer. Faut savoir où on va. Ouais, faut savoir où on va, faut prendre du temps, faut tâter le terrain. Faut prendre du recul sur d'où on vient. Je crois qu'il a produit plus de. Enfin, je sais pas, je vois 150 crédits, mais il doit sûrement en avoir plus. Donc au cast, on a Tom Atkins, CF. Tom Moustache Atkins, CF l'épisode précédent sur Creep Show. Voilà. Stacy Nelkin, c'est son rôle le plus connu, donc on va pas s'attarder dessus. Et on a Dan O'Herlihy. Qui joue Cochrane, du coup, qui a joué dans Robocop 1 et 2, entre autres. Mm-hmm. Et à la musique, on a évidemment Carpenter et Alan Howarth, avec ce putain de thème qui est Chariot of Pumpkins. Le fameux... Et le jingle. Le jingle de mort qui... Voilà. C'est une malédiction païenne, hein. ça vous reste en tête plusieurs années. Voilà. Alors à la photo, on a Dean Cundey, pas trop connu, le mec... Jurassic Park. Voilà, Jurassic Park, Retour vers le futur 1, 2 et 3, The Thing, Halloween 1 et 2... Et si elle from New York, Hook, la mort. Les années 80, c'est lui. Les années 80, chez Zemeckis et Carpenter, c'est lui. Pour dire, c'est pour faire simple. Voilà, et 90, parce que. La mort voici bien, c'est 90, ouais, je crois. Ouais, on doit le faire sur 3 aussi. Oui, c'est 4 ODE, 90, effectivement. Ouais, Roger Rabbit, 88, Roger Rabbit, 89, 80, ouais, 93 pour Jurassic Park. Casper aussi. Mais aussi Camp Rock et Garfield le film. Camp Rock. Prod Disney Channel. Avec oh mon dieu, oh, j'ai pas vu ça. Oh, mais y'a que toi pour connaître ces trucs-là. Et Garfield, ce truc avec Bill Murray. Ouais, et Bill Murray en VO, Koé en VF. Cette blague n'est peut-être pas celle qui vieillira le mieux de tout le podcast. C'est pour des raisons. Koé, actualité, vous trouverez vite. Hein. Mais. Ouais, Sébastien Koé qui d'ailleurs a été payé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ça. Mais qui s'est barré au bout des deux tiers de tournage parce que il en avait marre. C'est que quelle élégance. C'est vrai que déjà pendant le temps où il était là, il partait prendre des pauses clopes environ toutes les 10 minutes. Comment t'as trouvé ça? Quand tu t'intéresses un peu au pire star talent français, tu trouves très vite Sébastien Coé dedans. D'accord. Et du coup, les deux, le tiers restant a dû être fait par Edmatch Voice. Yes! Voilà. Ah, ça c'est ce qu'on aime, ça. Voilà, mais donc pour... Je vois qu'il a aussi fait la photo de Flubber. Oui. Et de Psychose 2, qui est une de mes suites préférées. Mais... Faut vraiment que Psychose 2. Bah, faut que tu vois les Psychose. Oh, et il a fait l'une des pires prod Wes Craven, The Girl in the Photograph. Je suis peut-être le seul à l'avoir vu. Ne voyez pas ce truc, c'est horrible, mais les prod Wes Craven en général, ça pue un peu des aisselles, on va pas se mentir. Hein. Mais donc, pour recentrer, donc ça casse totalement la continuité de la saga instaurée avec le Halloween 2, pour une raison très simple, Carpenter en avait marre. Carpenter ne voulait plus faire du Michael Myers. Il le tue à la fin d'Halloween 2. Spoiler, pas si spoiler que ça. On parle d'un slasher où les tueurs meurent. Oui, les morts de Michael Myers, c'est dans la checklist, c'est dedans pour Halloween. Mais donc Carpenter voulait que ce soit une mort définitive. Et il dit à Mustapha Akkad, bah écoute, je veux bien continuer à être présent sur les films, à chapeauter un peu le bestiau. Mais par contre, on arrête de faire du Michael Myers et on fait une saga d'anthologie où les films auront comme seul dénominateur commun la fête d'Halloween. Bah, ce qui a été fait, enfin ce qui se fait aujourd'hui avec VHS. Avec VHS. Déjà. Et qui n'ont pas de dénominateur commun à part le fan footage. Et il y a quelques éléments, j'y reviendrai. Mais ce que fait Cloverfield. Exactement. Ce que faisait Cloverfield, du coup, dans la saga est a priori morte et enterrée. Est-ce que c'est pas plus mal après. Le troisième, il était nul, ouais. Le troisième était vraiment nul. Mais donc, et pour le coup, on n'a même pas l'hypothèse de ouais, peut-être que ça se passe dans la même diégèse. Non, non. Dans Halloween 3, Halloween et Halloween 2 sont des films. Littéralement, ils passent à la télé. Donc ça peut clairement pas être la même diégèse, c'est juste totalement autre chose. Mais donc ça, bah, c'est pas une qualité ni un défaut en soi, c'est peut-être l'explication qui fait que le film a bidé totalement en salle quand il sort. Bah, c'est le plus gros crash de la saga, avec Résurrection peut-être. Pour des raisons diamétralement opposées. Oui, mais... oui. Faudrait que je redis que j'avais fait une... Il me semble que c'est un des plus gros crashs, mais oui, et c'est pour ça que le 4 s'appelle le retour de Michael Myers. Voilà. Comme pour dire, il est là, ne vous en faites pas. T'inquiète. Et donc, pour le film en tant que tel, bah, ça commence par la mort d'un homme tué dans un hôpital par un gars en costard-cravate. Les hommes en noir. Les hommes en noir, voilà. Les hommes mystérieux qui s'immolent dans sa voiture qu'il fait exploser après l'avoir tué. Et donc, on va suivre la fille du dit assassiné et le chirurgien de l'hôpital où est mort le dit assassiné. Tom Atkins. Tom, la moustache. Ouais, le moustache man. Est-ce qu'on peut dire que la saga est produite par Moustacha Akkad ? Oh putain ! Tu porteras la responsabilité de cette blague. Je la coupe pas au montage. Ah, tu coupes pas, j'assume totalement. Mais donc, ils vont mener une enquête sur cette mystérieuse mort qui va les mener dans une mystérieuse petite ville qui vit grâce à une usine de masques d'Halloween détenue par un certain Conal Cochrane. L'usine Silver Shamrock. L'usine Silver Shamrock. Et où, on comprend plus mystérieusement ? Il y a beaucoup de mystérieusement dans le résumé, mais mystérieusement, tous les habitants ont un peu peur de Cochrane. Ouais, ça c'est mystère, citrouille, Halloween, masque, enfant, que se passe-t-il ? C'est ça. Alors, pour le coup, je trouve ce revirement de saga très... Enfin, ce revirement de scénario, ce virage à 180 degrés, très sympa dans la saga, pour le coup, et avec une histoire peu commune, on va pas se mentir. Surtout, là où ça va, avec la toile de fond des origines celtes d'Halloween, il va littéralement péter un morceau de Stonehenge. Oui. qui n'a pas ça dans son coffre, finalement. Celtes pour TXT, vraiment. J'ai pété une pierre à Stonehenge. Les origines sont d'ailleurs littéralement évoquées à l'oral par Cochrane, qui est bah, le fameux sorcier du sang du sorcier du film. Si, il saigne jamais dans le film. Hein. Oui, il ne saigne jamais, et Season of the Witch, il n'y a pas de sorcière. Non, mais les titres, c'est tout un poème. Hein, Après, on fera un jour un retour sur les titres des Freddy, mais qui n'ont pas de sens non plus. Hein. Oh non, mais ça c'est vrai, la revanche de Freddy, le cauchemar de Freddy, l'enfant du cauchemar. L'enfant du cauchemar. Non, mais tout est pardonné à Freddy, tout est pardonné. Même Freddy 6. Ça c'est toi qui le dis. Enfin, c'est vrai, tu emportes la responsabilité de celui-là. Hein. Je pardonne pas le remake, je pardonnerai jamais le remake. Pour le coup, là où ça pêche un peu, je trouve, c'est vraiment le rythme du film qui est assez peu prenant, parce que l'enquête est globalement assez peu palpitante. Enfin, tu diras ce que t'en penses après, mais je trouve ça assez peu palpitant. Et avec... justement, ça patauge un peu, par contre, ça tue des enfants. Et ça... Il y a une scène de mort d'enfant ultra frontale, et, qui est pas gore, mais qui est graphique. Ouais, et pas gore, mais qui est graphique. Oui, il y avait plein d'insectes. Et ça, c'est beau, ça, c'est très très beau. C'est pas très souvent gore, on va pas se mentir, mais quand ça l'est pas. Ouais, ça l'est très peu. Il y a une scène, pour le coup, qui est bien... une certaine femme qui manipule quelque chose et ça lui envoie un rayon dans la gueule. Ah oui. Et les yeux au début. Les yeux au début, la mort du mystérieux gars. C'est pas facile, hein. Bah, même si il a un sang d'une couleur... pétroleuse. Ouais, très très... Ouais, on aurait dit l'huile, en fait. C'est très très étrange. Ça. Et alors, je trouve que... tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve que la fin a vraiment une ambiance James Bond de Sean Connery. Je la trouve étonnamment glauque, en fait, pour un film de cette époque-là. Mais en fait, pas juste la fin, mais tout le... Oui, le dernier toute arc. La fin, avec l'infiltration dans le repère de Cochrane, les grosses machines qui font bip-boop, le personnel... Il date de quand, le film, tu dis ? 82. Mmh. Ouais, les grosses machines, le repère de méchants, vraiment... Le côté Bond va aussi avec l'image de la femme dans le film. Alors, ouais, ça va pas être un épisode très féministe friendly. Hein, ouais. C'est surtout le mien, quoi. Moi, j'en ai deux qui posent problème là-dessus. Hein, et c'est en les revoyant que je me disais, ah, je vais devoir défendre ça. Mais donc, dans ce film, on a littéralement. Oh mon dieu, j'ai perdu mon père il y a 3 jours. Allons enquêter sur sa mort. Et couchons avec la personne. Couchons avec la personne, sachant que c'est pas. Ils sont tombés amoureux sur le trajet, il y a eu une attirance qui s'est créée. Non, c'est moi homme, toi femelle. Hein, non, c'est moi homme, toi femelle, et surtout, ils sont dans la chambre d'hôtel dans le petit village, et elle est en nuisette. Ce qui veut dire que quand elle va voir Tom Atkins pour lui demander de partir en expédition avec elle, elle a la nuisette dans la valise. Je l'avais pas conçu comme ça, mais. Mais oui! Ou alors le motel est très bien équipé! Ou alors le motel est particulièrement bien équipé! Et monsieur a peut-être une nuisette aussi. Et t'as pas vu le minibar! Non, mais c'est. Non, mais en fait, alors sur Halloween 3, déjà, je sais qu'on a un regard différent sur la saga. Moi, Halloween, c'est vraiment une saga cabossée. C'est-à-dire que. Il y a le 1 qui est un chef-d'œuvre, le 3 que j'aime beaucoup, hein, je l'aime tout de suite. Et moi, jusqu'au film de Rob Zombie, ça va du « ouais, sympa » au « non, vraiment pas ». Et le « non, vraiment pas » étant Résurrection et Halloween 6. Halloween 6 que j'aime. Mais Résurrection à la palme. Alors, je ne saurais pas te dire. Mais j'ai vu un cut, je trouvais ça nul. Il y a Paul Rudd dedans. Oui. Voilà. Paul Rudd qui n'a pas vieilli. Non, c'est un vampire. C'est un vampire. Mais donc, alors, ce que j'aime bien dans la... Pour moi, Halloween 3, c'est que je le vois vraiment pas trop comme un film d'horreur. Je le vois plus comme... une espèce de Goonies horrifique. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas vraiment suivre un film d'horreur. Je vois qu'il parfois il est marqué comme slasher. Pas du tout. Je crois que le body count, il doit être à 4, 5. T'as le mec du début, justement. T'as la famille de 3. Alors, t'as le premier homme en noir qui veut le tuer, qui se fait écraser par une voiture. T'as l'autre qui s'immole. Ouais, t'as l'enfant. T'as la meuf qui se prend vraiment dans la gueule. Non, ça doit être 7 ou 8. Tu dois avoir quelques zones de main de Cochrane. Spoiler. Oui, oui. Spoiler. Tu as donc celle qui accompagne Tom Atkins. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas un body count si élevé que ça. Ouais. Plus élevé que Halloween 1. Oui. T'as pas de tueur identifié. C'est pas un slasher, ça c'est sûr. Et même en tant que film d'horreur, c'est pas vraiment un film qui... Il y a des éléments horrifiques, ça c'est évident, notamment le fait qu'on tue un enfant. Et les motivations du grand méchant de Silver Shamrock. Je verrai si je peux pas mettre un extrait du jingle de pub. Tu peux, je pense. Si on n'a pas, c'est une question de droit. Si on a un, considérez-vous chanceux ou pas, en fonction de votre capacité à retenir, à garder une musique en tête longtemps. Mais c'est un film qui, un peu à la manière de Creepshow, a ce côté doudou années 80, hyper confortable. À nouveau, il y a la photo très granuleuse, la musique qui est incroyable, évidemment, alors, mis à part le générique de merde, hein, mais vraiment la musique est incroyable, et c'est un des scénarios d'Halloween qui se tient peut-être le plus, parce que c'est, ne nous mentons pas, les scénarios de slasher, à quelques exceptions près, ouais. Voilà, ok, Halloween 1, même Halloween 1 en soi, c'est... Oui, il utilise l'HTP plusieurs fois. C'est ça, puis c'est vraiment le tueur évadé d'asile. Oui, bon, ça va. Mais voilà, c'est qu'à part les films qui se veulent réflexifs sur le genre, All the Boys of Mandy Lane, par exemple, même Scream, que pourtant j'adore, pas sûr que... Je pense que si on s'attarde sur le qui est le tueur, je suis pas sûr que ce soit toujours très cohérent. Mais là, c'est... You Might Be the Killer aussi. Oui, éventuellement, mais c'est... Là, c'est peut-être un des films de film d'horreur qui se tient le plus, parce que c'est pas un slasher, et qui, du coup, donne un résultat hyper confortable, hyper agréable, et également, j'aime beaucoup l'analogie que tu fais avec le côté James Bond, parce que toute la fin va dans ce sens-là, et revient en plus à l'amour de John Carpenter, j'arrive, pour un cinéma, pour dire des années 50, 60, enfin, plus 50. Fan de Howard Hawks. Voilà, donc ça revient à son amour pour ces cinémas-là. Et également, il y a une fin que je trouve particulièrement étonnante, oui, cynique, glauque, nihiliste. Bon, on a déjà spoilé que la meuf mourait, on peut spoiler la fin. Oh non, je pense qu'il faut la laisser celle-là. Parce que pour le coup, il n'y a pas d'intérêt à la spoiler à part la gâcher. Ouais. Et pour le coup, vraiment, elle peut interloquer. Et moi personnellement, j'y vois une référence à l'invasion des profanateurs avec Donald. Alors je sais pas si les dates sont concordantes, mais Après il y avait déjà eu l'original en soi avant. Oui, ça. Mais celui avec Sutherland. C'est les années 70 et 77, je crois. Donc ça passe. Jamais y voir une référence. Et également, je trouve le film étonnamment bien emballé sur la mise en scène. Alors Tommy Wallace n'est pas Carpenter, ça se voit, non. Ça se sait, mais c'est quelqu'un qui a toujours été particulièrement... C'est un très bon faiseur. Bah, à nouveau, le Stephen Sadd des années 90, je peux me moquer de lui, mais quand même tenir son rythme sur 3h10, faut le faire. Ouais. Andy Mucchetti, il a pas été capable de le faire sur plus de 4h30, hein, donc il a eu ce mérite. Fright Night 2, moi c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, alors il faut pas le voir après le 1. Ouais. Parce que le 1 est cette espèce de petite merveille improbable. Je pense que c'est dû à Chris Sarandon en Sexy Vampire, perso. Mais voilà, Fright Night 2, il y a plein de scènes super, notamment bah, la scène des rollers, plein de scènes dans l'appart que je trouve vraiment très très bien faites. Tu l'as vu, Fright Night 2? Oui, oui. Non, okay, c'est chouette, je n'invente pas. Non, okay, et puis, il est toujours meilleur que les deux remakes. Mais... Ça, je te laisse, j'ai pas vu le remake. Ah, bah c'est indispensable. Mais ouais, c'est vraiment, Fright Night 2, je trouve ça vraiment très très chouette. Et même Vampire 2... Qui est pas du tout un bon film, hein. Mais c'est un DTV emballé de façon compétente. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est solide, c'est pas choquant sur la mise en scène. C'est choquant sur plein d'autres choses, c'est pas choquant sur la mise en scène. Mais ouais, et donc Tommy Wallace, moi c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, pour qui j'ai vraiment beaucoup de sympathie, j'aurais même choisi dire, c'est dommage qu'il ait pas fait plus de films. Et bah, Halloween 3, surtout ce qui est particulièrement intéressant autour de celui-ci, c'est d'imaginer ce qu'on aurait pu avoir s'il avait marché. Parce c'est que, sûr. Au-delà de son côté vraiment pur, c'est un vrai bon film hyper agréable, et en plus on retrouve les côtés... évidemment, on vous renvoie à l'épisode qu'on avait sur John Carpenter. Quand on parle politiquement de John Carpenter, on a tendance à le comparer limite à un guévariste. Pas du tout, c'est juste genre un démocrate. Démocrate. Je pense même qu'il est... je pense même qu'il est à gauche de ce qui est... De ce qui est aujourd'hui, oui, voilà, les démocrates. Ouais, il est sur une gauche, mais sur un modèle américain. Ouais, donc c'est une gauche limitée, dirons-nous. Mais étonnamment, là, avec New York, ouais. C'est un de ces films qui. Pas hyper, mais qui est très direct sur ce côté contre les grandes entreprises, contre les grands patrons, entre autres. Et. Moi, ça me fait plaisir de revoir ces thématiques-là, et je me dis qu'on est vraiment passé possiblement à côté de quelque chose, je vais pas dire de grandiose, mais d'une saga, si ce n'est passionnante, en tout cas suffisamment hétéroclite pour susciter l'intérêt. Ouais, bah, typiquement, nul doute qu'un film comme Pumpkinhead aurait fait partie d'une saga comme Halloween. Aurait fait partie d'une saga comme Halloween, c'est sûr. Et surtout que ça aurait pu donner, je pense, une identité. Parce qu'aujourd'hui, Halloween, ouais, c'est Michael Myers, le tueur, etc. Mais ça aurait pu vraiment lui donner une identité intéressante, une identité presque à la Evil Dead. Alors, Evil Dead a cette continuité du Necronomicon, mais a des thèmes, enfin, des ambiances entre chaque film, sauf les deux derniers qui sont beaucoup plus similaires. Mais a des ambiances, en tout cas, sur les trois premiers, qui sont extrêmement hétéroclite et variée. Et c'est même. Pour avoir revu le premier Evil Dead il y a quelques semaines, pour le coup, beaucoup ont cette image un peu faussée de Evil Dead avec le côté. C'est pas drôle, hein. Le côté drôle, c'est ça. C'est... Le premier, il est très très glauque, très premier degré. Bah, y a ce côté humour noir, ouais. Mais qui est pas frontal. C'est Evil Dead 1, si tu veux rire, c'est vraiment. Bah, c'est comme moi quand tu m'as vu quand on était. Quand on allait voir Terrifier 3, c'est que Terrifier 3, je rigolais comme c'est pas permis. Voilà, faut rire devant Terrifier 3 pour rigoler devant Evil Dead, je pense. Mais, par exemple, je pense que Evil Dead 1 souffre du même syndrome que Rambo, par exemple. Oui, cette image où les suites, ou même Saw, où les suites prennent plus le pas sur l'image globale de la saga. Bah même Halloween, quelque part. Hein. Parce que Halloween 1, t'en as l'image d'un slasher. Si tu regardes Halloween 1 comme étant un slasher et pas ce qu'aujourd'hui on appellerait un film d'épouvante grâce à cette merveille qui est l'élévité d'horreur, c'est ironique. Mais. Il y a pas une élévité d'horreur ? Non, jamais. Je dis film d'épouvante vraiment dans le sens, entre guillemets, noble du terme. C'est-à-dire le côté vraiment. Ambiance, stress qui monte, voilà. Et pour moi, Halloween 1, c'est plus ça qu'un slasher. C'est le body count de l'une, c'est quoi, 3-4 C'est 5, il y a sa sœur au début, le pompiste, enfin le garagiste, mais qu'il tue hors champ, hein. Ouais, c'est 5, et t'en as peut-être 3 frontales 4 Ouais, t'as... Tu connais mieux que moi. Ouais, t'as les deux potes de Laurie, celle qui se fait étrangler au téléphone, et l'autre qui se fait égorger dans la voiture. T'as le mec qui se fait pin sur le mur. Ah, le meilleur, le plus beau, le meilleur d'entre nous. Donc ouais, on arrive à 5 avec ça. Ouais, mais et c'est ça, et pour le coup, ça a été gobé par cette image de c'est le tueur du slasher. Mm. Ah, c'est à partir du 4 hein, que ça arrive, parce que même dans le 2 qui est plus frontal sur le côté slasher, moi j'en ai pas tant que ça, enfin, j'ai un meurtre seulement en tête, c'est le jacuzzi. Le jacuzzi, ouais. Évidemment. Mais Si vous voyez le meurtre dans Jason X avec l'azote liquide, c'est l'inverse. Bien trouvé. Mais donc voilà, c'est... et Halloween 3, ça a ce petit symbole de petite pépite, et en fait c'est vraiment Aujourd'hui, grâce au blockbuster merveilleux récent, on a oh, les multivers, les possibilités, nanana. Bah voilà, là, on a peut-être un what if qui aurait pu donner quelque chose de dingue. Genre, on aurait. Il y a un monde, il y a une timeline où on a un Puppet Master à Halloween. Il y a une timeline où on a, je sais pas, Gremlins à Halloween. On a trop de possibilités. Il y a une timeline où Mustapha Akkad n'est pas une grosse merde. Ah ouais? Ah, mais pour le coup, pour avoir discuté avec le réel d'Halloween 5, il a vraiment dû batailler pour avoir un scénario qui soit autre chose que de la boucherie. Pour le coup, on trouve l'exécution bien ou pas, perso je trouve ça plutôt convaincant. Oui, Halloween 5, je pense que c'est le meilleur de la deuxième trilogie. Enfin, de 4, 5, 6. Oui, mais... C'est le plus tenu, on va dire. Mais pour le coup, donc le réalisateur Dominique Otenin-Gérard avait... C'est celui qui termine avec la gamine? Ou c'est le 4? Alors celui qui termine... Enfin, il y a la gamine dans les deux. Mais celui qui termine avec la gamine... Avec la gamine avec le masque, ouais. C'est le 4, et le 5 fait totalement après contre ça. Yes. C'est littéralement la chose la plus importante, enfin la plus intéressante du 4 qui, hop, l'a squeezé. Ah, mais, pour le coup, Dominique m'avait raconté que Mustapha Akkad était vraiment très dans le cliché du producteur qui impose vraiment qu'il y ait des charges. Oui, bah, quelque part, c'est pas étonnant quand tu vois la gueule de la saga. Mais donc voilà, vraiment, Halloween 3, c'est. Et surtout, à nouveau, c'est un terme que j'emploie très souvent, mais qui pour moi a raison. C'est un film qui est confortable. C'est vraiment. Bah, voilà, certains regardent leur téléfilm de Noël, bah nous on regarde ça. C'est vrai qu'il a cet aspect-là. Il a vraiment cette ambiance un peu. Mais je le mets exactement, ouais, mais à côté. Bah, un peu, c'est complètement. Oui. Je le mets exactement à côté de Creepshow, à côté de. Même certains Vendredi 13, pour même les Freddy, ouais, où c'est l'archétype du film que je peux me regarder en hiver, un plaid, un chocolat chaud ou une bière. Et on est parti. Moi, j'aime énormément ces films-là, et c'est des films que juste je garde très près de mon cœur. Ouais, je pense que je l'aime un peu moins que toi. Oh. Mais j'ai aussi écrit que les Vendredi 13 sont parmi les films doudous, franchement. Mais ouais, c'est ça, doudou. Mais donc, Halloween 3, et dernier détail que j'ai sur Halloween 3 également, je vous invite à faire attention à... alors, je sais que c'est toujours bête à dire, mais au style vestimentaire des personnages. Ça marque un film. Les coiffures. Et ah oui, les coiffures, ça va, mais les styles vestimentaires, bah, c'est ce qui fait que Terminator 1 vieillit très très mal. Ah bah, la boîte de nuit, hein. La boîte de nuit, la choucroute à Sarah Connor. Oui. mais la boîte de nuit, genre les boîtes de nuit dans les films, c'est fatal, et là, ça ne manque pas. Alors, il n'y a pas de boîte de nuit dans Halloween 3, mais juste les fringues. 82, tu nous manques. Ouais, et alors, vous savez à quel point on est très bon en com' en France ? N'est-ce pas ? Et bah, donc, le film sort le 22 octobre 82 aux USA. Ouais. Normal, ils ont pas peur d'Halloween. 9 mars 83 en France. Heureusement que le piratage n'existait pas à l'époque. C'est ça, puis surtout... T'aurais fait encore moins d'entrées. C'est ça, puis surtout, qu'est-ce que tu sors Halloween 3 en mars, quoi ? Ah oui, merde. Bah, sur ça, non mais c'est X... Et Maxine, qui est sorti à chaque fois pendant un été en France. Alors, non. X est sorti pendant un été. Non, X est sorti aux US pendant l'été, mais A24 étant A24, en France on l'avait en salle en novembre. En novembre, pardon. Donc après Halloween, donc avant de. Donc oui, donc encore voilà. Pire. Et Maxine. Alors Peur le sort. Direct DVD, pour des raisons compréhensibles. Et Maxine est sorti en juillet. Juillet. Je crois que c'était juillet. Sûrement. Mais c'est. Merci les distributeurs. Enfin merci A24. C'est à nouveau ironique, bien évidemment. C'est encore à toi sur le suivant. C'est encore à moi. Alors on va parler de Trick or Treat, farce ou festin. Et là, c'est le moment où je commence à m'armer. J'attache ma ceinture de balle et on y va. Alors, sorti à la période de Halloween aussi, le 24 octobre 86 aux USA. Pas de sortie en salle en France. Réalisé par Dieu nous garde. Réalisé par Charles Martin Smith, qui alors son film le plus connu c'est Air Bud, un film sur un chat qui fait du basket. Oui, sur un chat qui fait du basket, et dans le 2, le 2 s'appelle Coupe d'Europe. Non mais Air Bud, non mais alors bon, je peux le raconter, on va pas rester longtemps sur le film. Alors oh mon Dieu. Certaines soirées étant un peu longues, qui s'éternisent chez des potes, tout le monde est occupé à faire un truc et toi t'es tout seul devant la télé. Et moi, ça m'arrive, juste t'allumes la télé, mais tu la regardes pas, et juste ça te fait une compagnie, tu vois, juste t'es pas dans l'état de regarder un film. Ouais. Et bon, t'allumes la télé, et là, tu regardes un chien jouer au foot. Naturellement, ça... C'était sur W9, hein. Voilà. Naturellement, ça attrape un peu l'esprit, on va dire. Et... On a tous vu Didier, hein. Je sais pas s'il faisait une soirée à thème, mais il y avait les deux qui passaient. Et j'ai regardé les deux Les deux Air Bud de la suite. Ouais. Non, mais pour le coup, c'est pas. Il fait pas que du foot, c'est celui avec où c'est un chien robot. Et donc t'as un bras qui sort et tout, et il vole. C'est dans le 2 du coup? Non, non, c'est dans le. Oui, non, si, c'est dans le 2. C'est dans le Airborne. Airborne. Air Bud 2, Airborne. Le 1, c'est basket. Le 1, c'est basket, pardon, oui, effectivement. Non, mais c'est. Waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux comme saga. J'ai très hâte de les voir. Oh non. Alors, au scénario, on a Michael S. Murphy. Attends, merde, je viens de confondre. Air Bud, c'est le chien robot. C'est Soccer Dog, le chien qui fait du foot. Lui. C'est revenu de loin. Soccer Dog. Vois Soccer Dog si tu veux voir des chiens faire du foot. Et dans l'état des chiots aussi, à un moment. Ouais. Air Bud, c'est le robot. Non, je les ai vus. Du coup, attends, quand est-ce que j'ai vu Air Bud? Ah merde, parce que je sais que je l'ai vu. Parce que je peux te dire qu'à un moment, en VF, dans le DE. Dans le 2, parce que le twist de fin du 1, c'est qu'il vole. De DE. Et dans le 2, c'est. Ça devient un robot plus plus. Et t'as un des potes drôles, je fais des guillemets avec les doigts, du héros. Et le je sais plus si c'est le père ou l'inventeur, enfin bon, on s'en fout du chien. Lui fait, ouais, je l'ai augmenté, j'ai mis des améliorations. Et l'un de ses potes fait, oh, une machine à popcorn! Non, et il dit, ouais, les frères Wright. C'est les inventeurs de. Il fait ah la machine à popcorn. Tu fais ah ouais, non, t'es con en fait. Ouais, donc quand est-ce que j'ai vu Air Bud? Moi j'ai vu. Voilà. Mais du coup, Soccer Dog ils font du foot et Air Bud ils volent. Ok. Putain. Je Un veux voir. Grand moment. Je les vois ce soir. Non. Et donc au scénario, on a Michael S. Murphy donc, qui est notamment producteur sur des films comme Bill et Ted, Dread ou Les Deux Suites du Mur en Enfer. Dread 3D? Ouais. Très bon film. Et aussi producteur du film Monsters de 95. On parlera de Monsters un peu plus Oui, tard. plus tard. On a Red Topham, qui lui était au scénario du 976 Evil de Robert Englund. La Oh ligne du oui, diable. ouais, le film réalisé par Alors, bah, pas Robert Englund. il en a réalisé d'autres, mais c'était son premier. Ok, pardon. Et on a Joël Soisson au scénario du film. Non! Si. Le pote de Patrick Lucier? Bah du coup, le réal de Children of the Corn Genesis, Ouais, tu vois, Pulse 2 et 3, Prophétie 4 et 5. Ah oui, non, mais il a pas bossé sur les Dracula Si, aussi? scénariste de la trilogie Dracula 2000, Highlander Endgame et Piranha 3DD. Putain, il est réal de Piranha 3DD. Je suis sûr et certain qu'il est réal. Je crois qu'il est crédité sur un nom, mais je suis sûr et certain qu'il est à la réal. Peut-être. Et producteur de Bill et Ted, Fist et Maniac Cop 3. Fist, dont on avait parlé dans l'épisode Meta. Meta. Oh, et Maniac Cop 3 qui est signé Alan Smithy. Alan Smithy parce que. Enfin bref, mais. Oh mon dieu! Ah, ça explique tout! Mais tout s'explique! Bah écoute, je range ma ceinture de balle, ça sert à rien que je tire, tout c'est. Oh, je vais pouvoir lui tirer dessus. Merci, mon dieu! Et à la photo, bon, on a Robert Elswit, chef op de Paul Thomas Anderson. Ah, c'est ok! De Mission Impossible 4 et 5 et de Nightcrawler avec. Nightcrawler. Jake Gyllenhaal, Nightcrawler en français. Ah, oui, le truc avec le. Où il fait des photos, photographes, ouais. Ok. C'est ça. À la musique, et bah Christopher Young. Le Christopher Young? Yo, Christopher Young. Mais j'ai vu, il a bossé avec le groupe. Comment il s'appelle? The Finalist, non. Ah, je sais pas, je t'avoue. Je vais regarder ça. Mais il a bossé avec un groupe de rock qui est un peu Ok. d'ailleurs aussi. Le compositeur de Razer 1 et 2, Freddy 2, Sinister, The Grudge, Spider-Man 3. Voilà, alors je suis en train de vous retrouver la musique. Voilà, Fastway qui est pas le meilleur groupe de cette époque. Bah, Oui. imaginez Bon Jovi en moins bien. C'est dire. Imaginez Bon Jovi, mais avec l'intérêt musical de Poison et les looks de Cinderella. Voilà, si ça peut vous donner envie. Tu me parles une langue étrangère, mais Non, c'est horrible en gros. Donc au cas, on a Mark Price et Lisa. Orgolini, écoute, c'est leur rôle les plus connus. Ouh. On a Tony Fields dans le rôle du rocker, Du méchant rocker démon. Du méchant rocker démon, donc, qui était entre autres apparu dans le clip Thriller de Michael Jackson, réalisé par Mendes. Et on a Ozzy Osbourne dans un caméo de prêtre. Ça, pour le coup, c'est peut-être le meilleur moment du film. Et il y a aussi Gene Simmons, donc le bassiste et chanteur, si je dis pas de bêtises, de Kiss, qui fait un tout petit rôle. Et qui devait, si je dis pas de bêtises, jouer le méchant. Mais qui c'est pas fait, donc il joue l'animateur radio. Ok. Mais donc, le film, qu'est-ce que ça cause? Ça cause d'un ado solitaire, métalleux et harcelé, qui réveille son idole mort dans un incendie. En jouant son dernier vinyle à l'envers, sachant que le vinyle c'est le seul exemplaire. Le vinyle n'est pas sorti, c'est le seul exemplaire qui existe. C'est basé sur cette croyance merveilleuse du fait que si tu joues un vinyle à l'envers, t'as des messages qui apparaissent. CF, toutes les théories du complot un peu pourries sur Led Zeppelin, où si tu joues, c'est à Way to Heaven à l'envers, il dit Hail Satan. Alors spoiler, si Led Zeppelin avait été, un groupe que j'adore, donc pas d'intention de nuire, si Led Zeppelin était, on va dire, dans des états mentaux suffisamment conscients pour penser à ça, ça saurait, ça se saurait. Et surtout CF, l'épisode des Simpsons, avec le boys band, où quand tu joues la musique à l'envers, c'est des messages subliminaux pour rejoindre l'armée américaine. Oui, ça se tient. Boys band, évidemment, d'enfants de 10 ans, vu que c'est boys band avec Bart, Milhouse, Ralph et... Milhouse, non, c'est Milhouse. Hein, oui, Milhouse, c'est une ville. Oui. sauf que, quand il va invoquer cette espèce de rockstar démon méchant, et c'est harceleur pour se mettre à mourir. Voilà, alors même si je suis pour la mort des harceleurs, dans la plupart des cas, notre héros, il va vouloir les sauver, en arrêtant sa star préférée au pouvoir démoniaque. Je te laisse y aller, hein, moi je... Alors, pour le coup, on parlait de Millésime 80s. Celui-là, il est bien dedans. Ah, lui, il est... Il est carabiné, lui. Il est énervé. Ouais, je sais même pas quoi dire dessus, en fait. Je l'ai vécu, je peux dire, je l'ai vécu comme une attaque, parce que je pense pas qu'il y a... En fait, ça se voit que le film, il dit « Ah non mais ouais, on est avec vous les jeunes, on écoute du rock et tout. » Yo mais ça, je sais pas si vous voyez ce mème de Steve Buscemi avec un skate qui fait « How do you do, fellow kids ?» C'est ça, quoi. Ah putain, et oui, il a ramené Ozzy Osbourne et Gene Simmons, mais ramener Ozzy Osbourne, milieu 80, c'est l'évidence. Et Gene Simmons, pareil, donc... Ah, je sais pas, putain... j'ai cordialement détesté. Mais donc tout, dans l'esthétique, les vêtements, les coiffures, les expressions, la VF surjouée, la magnifique VF surjouée... J'avais un fichier où la VF parfois switchait sur l'allemand. Oui, parce que c'était une version longue. Quelle chance, j'ai vu la version longue. Et pour donner une idée de l'état dans lequel j'étais, c'est que j'avais même pas la foi de changer. Je dis, vas-y, tu sais quoi, parler en allemand, m'en fous. T'es 2 ans à Düsseldorf, ton service. Ah non, mais juste, vas-y, c'est bon. Parler, faites des trucs. Ouais, alors pour le coup, en plus, on a vraiment un perso principal, mais insipide au possible. Bah en plus, on... Son identité, c'est quoi? Aimer le rock? Ouais, j'avais... C'est pas une identité. J'avais tout pour être dedans, quoi. Oui, c'est pas un caractère, c'est pas un développement. Ouais, non, quelque chose. Non, mais c'est ça, genre, j'avais tout pour être en mode, vas-y, mon gars, je suis avec toi. Mais putain, non, mais c'est un enfer. À la limite, il y a les harceleurs qu'on... pour le coup, on va mourir. Ça, c'est cool, lui, va mourir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, limite, moi, je suis plus... Enfin, les harceleurs ont plus de personnalité que lui, quoi. Ouais. Et puis la fin, putain, si vous avez toujours rêvé de voir un clip de Cinderella mélangé à Carrie, voilà, c'est bon, vous l'avez... Ah, mais quelle merde. Enfin, non, quelle merde. Je suis peut-être plus méchant que raisonnable, parce que... Ouais, je pense que ça s'est su au fil des épisodes, mais étant métalleux moi-même, et tu me connais, métalleux hardcore... Putain, t'es métalleux. Ouais. j'ai un peu le t-shirt du rôle, j'ai un t-shirt de festival pour le côté visuel. Je croyais que t'es fan de K-pop. Oh, oui, bien sûr. Et en fait, je pense que je reçois ce film vraiment de façon plus méchante, parce que non, je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions, mais juste, quand Death Gas existe, ouais, voilà, et surtout à nouveau, je te le fais écouter il y a pas longtemps, mais je suis en pleine période Ice Nine Kills, qui est un super groupe de metal. Si vous y allez, metalcore, c'est trop bien. C'est bien. Et Ice Nine Kills, ils font quoi? Ils ont des clips qui sont des petits films en eux-mêmes. Je peux vous dire que dans ces clips, il y a infiniment plus de cinéma que dans ce film. Genre, des films d'horreur en eux-mêmes. Oui, des films d'horreur en eux-mêmes. Et des films d'horreur souvent très très gore. Les chansons sont à chaque fois tirées de. Dans leurs deux derniers albums, parce que voilà, Nerd Moment. Mais et vraiment, Trick or Treat, c'est pas possible. Après, il y a un truc que je peux lui donner. C'est que je me plains souvent des albums musicaux, enfin des albums de musique, des albums de musique utilisés dans les films. Récent, parce que c'est de la musique que j'aime pas, simplement. Là, je peux dire, au moins, c'est de la musique... Je dis pas que je vais la réécouter, mais j'ai plus de sympathie pour elle. Maintenant, cela étant dit, sortie de la musique... Genre, le film te dit quoi? Ouais, le métal, le rock, mec, la musique rock... Tu sais quoi? C'est cool, t'as le droit d'aimer ça. Qui c'est le méchant? C'est un rocker. Think! C'est quoi? Il y a le gentil rock, le méchant rock, c'est Think! Think! C'est un peu la même logique que Brainscan. Oui, oui. Dans Kingdom Rush, j'avais parlé, où en gros, c'est un film qui. J'aime bien Brainscan. Je sais que je suis tout seul, moi j'aime bien Brainscan. C'est un film qui a pour héros un jeune Edward Furlong, fan de films d'horreur et trucs un peu trash. Nous en fait. Voilà. Et c'est un film qui va critiquer aussi la vision de certaines personnes qui disent ouais, les films d'horreur, c'est que de la violence, ouais, il faut être taré pour aimer ça. Mais bah, d'un autre côté, le personnage de Furlong est détestable. Il est plus ou moins sociopathe, on va pas se mentir. Non, il l'est complètement. Voilà. Non, mais il va plus ou moins tuer des gens. Enfin, c'est jamais trop, c'est un peu flou. Le film est très mauvais sur ça. Mais il mate sa voisine. Non, ouais. Mais c'est vraiment un connard dans le film. Ouais, mais vu que sa voisine le bat aussi, ça va. Ça va alors. le mal par le mal. et pas mieux, c'est un film qui te dit. Et qui est. Alors, il est évidemment gamer aussi. Il joue à des jeux, trash. Je te laisse deviner que je vis merveilleusement. Voilà, mais du coup, la conclusion du film, c'est quoi? C'est, ben, ce jeu vidéo-là en question l'a rendu littéralement psychopathe. Ouais, et surtout, du coup, ça me fait penser que dans Trick or Treat, c'est que le fait qu'il rencontre son idole, et alors effectivement, faut pas idolâtrer les gens, c'est pas bien, sauf Shah Rukh Khan. Faut pas idolâtrer les gens, Nick Cage, et King Waves. Mais le faites pas, c'est pas bien, etc. Ce que là, c'est littéralement, il rencontre un rocker qui est vraiment juste. Un rocker, hein, genre il est pas juste, il est mort, tout ce qu'on sait. Ah, il est mort dans un incendie. Et sa rencontre avec lui le transforme en connard. En connard qui s'habille mal, éventuellement. Mais. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais parce que ça lui redonne confiance en lui, et quand tu as confiance en toi, tu es un connard. Sachez-le. Ah, bah super message! Super message! Non, mais ouais, putain, ouais, alors on en parle de la misogynie du film ou pas? Alors oui, c'est dans son époque, donc à prendre avec des pincettes, mais on en parle quoi? Mais alors. On est quand même sur un film qui est sorti presque 10 ans après Alien, hein. Oui, mais Alien est une exception. Ne faisons pas croire que les films d'exploitation des années 80 étaient tous très féministes, hein. Certes. Surtout vu ce qui arrive après, chef. Ouais, bon. Ah, c'est compliqué, quoi. On pardonne pas la misogynie, mais... Non, ça remet dans un contexte d'époque. Je dis pas que c'était acceptable à l'époque, je dis que c'était plus répandu. Voilà. T'as bientôt fini. Par contre, je dis que c'est acceptable maintenant. Ça se sera coupé. Et t'as fini sur tes cartes? Vite fait, juste, je pense que... Alors, faut que je check des dates, mais pour moi, il y a franchement une vibe très... La ligne du diable de Englund, justement. La ligne du diable... Night of the Six Evil. Bah, je suis pas... Bah, je sais que c'est fin 90, la ligne du diable, je crois que c'est 88. Bah, la même année, du coup, la même année que. Non, c'est 2 ans après. 2 ans après, ouais. Mais du coup, je trouve qu'il y a franchement une vibe un peu Ligne du Diable. Je sais pas si t'as des souvenirs de Ligne du Diable. Oh, très très vague. Très... J'ai souvenir de beaucoup de coupes de cheveux. Alors, il y a un 2 aussi pour Ligne du Diable. Je l'ai pas vu encore. 9-7-6 Evil 2. Ouais. C'est quoi, l'opérateur du diable. On passe au mien. Ah putain, ah, 9-7-6 Evil 2, réalisé par Jim Wynorski. Oh putain, alors est-ce que qui est Jim Wynorski? Jim Wynorski, alors on en a vite fait parler. Attends, j'ai pas encore tapé sur Joël Soisson, je le fais après. On avait vite fait parler d'un film de Wynorski l'année dernière, puisqu'il a réalisé. On a parlé d'un Wynorski ici? Non, je l'ai vite fait évoquer parce qu'il a réalisé Sorority Girl Massacre 2 et 3. Ah, le. Oui, l'épisode fait par des femmes, Oui, comment il s'appelle ? Slumber Party Massacre. Voilà. Donc, il y a une espèce de rip-off de Slumber Party Massacre. Mais comme c'est fait par Wynorski, ça doit être fin des classes. Voilà, exactement. Donc, voilà, Sorority House Massacre 2 et 3, le truc qui s'appelle Hard to Kill, s'il te plaît. Yes. Et exactement, il a aussi réalisé Chopping Mall, qui est un. Qui est pas mal. Oui, qui est un slasher assez sympa. Avec des robots. Avec des espèces de Daleks, ouais. Avec des espèces de Daleks, alors que l'affiche te vend une espèce de main zombie. Oui. C'est n'importe quoi. Mais pour le coup, Chopping Mall, très sympa. Très sympa. Sinon, Wynorski, bah écoute, Ghoulis 4, Pierre Anaconda. Raptor, le. Il réalise un carnosaure, c'est il réalise un carnosaure non officiel. Et sur l'affiche, sur la jaquette de Raptor, t'as l'impression que le Raptor en question te gueule à la tête. Oui, te gueule dessus. Tu fais Raptor, c'est n'importe voilà. quoi. Voilà, l'attaque de la cam girl de 50 pieds, cheerleader massacre. L'attaque de la cam girl de 50 pieds. Ouais. Sachant que avant ça, on avait déjà eu l'attaque de la attaque de Giant Centerfold, qui s'appelle en français l'attaque de la pin-up géante, qui est en gros l'attaque de la femme de 50 pieds, mais avec une mannequin de Playboy. J'adore le cinéma. Et une histoire d'amour. Non. Avec notamment un mec qui s'endort sur les nichons de la femme de 50 pieds, Bantam Playboy. Allez. La finesse, c'était 90. Et du coup, je peux dunker sur Sur Joël 60? Des questions sur Joël 60. Voilà, alors Joël 60, donc, alors je sais pas si j'en ai déjà parlé ici de Patrick Lussier. J'ai dû en parler, sûrement, parce que c'est vraiment une de mes obsessions malsaines. Mais alors, Patrick Lussier, c'est quoi? Patrick Lussier, c'est qui? Patrick Lussier, c'est un auteur. C'est un auteur, c'est quelqu'un qui a fait... Alors, qui a fait, je suis bien forcé d'admettre, deux films que j'aime plutôt bien. Donc, le remake en 3D de My Bloody Valentine. Mmh. Je sais que j'adore l'original et je trouve le remake correct. Oui. Et il a fait, alors je vais pas dire que c'est un grand film, mais tu vas peut-être m'aider sur le titre français, Drive Angry, avec Nicolas Cage. C'est Al Driver. Voilà, qui est un des films les plus teubés que j'ai jamais vu. Mais que j'ai une affiche dans ma chambre, c'est pas pour rien, mais... Qui est un des films les plus cons que j'ai jamais vu, avec avec des répliques genre « Je ne boirai que dans le crâne de Jonah Hill », ce genre de truc. Alors Jonah Hill, la personne, pas l'acteur. J'aurais bien aimé que les deux soient les mêmes, mais... Voilà, dans l'univers du film. Et c'est quelqu'un qui est encore actif, hein. Il a réalisé Trick il y a quelques années, il a réalisé Play Dead, je crois, il y a l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou cette année, je ne sais plus, mais qui est très récent. Okay. Et il a réalisé donc la trilogie Dracula des années 2000. Vous voyez là, Gerard Butler en Dracula, c'est en Judas, qui te fait croire que Dracula est Judas. Et alors, Joël Soisson, c'est quelqu'un qui est mais vraiment... pénalement responsable d'énormément de choses, alors, et surtout il s'est spécialisé dans la suite de merde. Mais quand je dis de merde, c'est-à-dire que je t'as donné quelques titres, je me permets de compléter. Hellraiser Inferno, alors certains tentent de le sauver parce que oui, Scott Derrickson, non, Hellraiser Inferno c'est nul. Hellraiser Révélation, le 9, celui avec gros yeux à la place de Doug Bradley. Donc même pas le Hellraiser qui peut se vanter d'avoir Doug Bradley, il a fait pire que Rick Botta, il a fait les suites de Prophétie avec Christopher Walken, alors ça, un jour il faudra faire un épisode sur Prophétie parce que c'est... Waouh. Et alors, effectivement, il a fait Children of the Corn Genesis, qui est un des pires Children of the Corn, c'est quand même pas peu dire. Et surtout, et alors ça, je l'ai vu il y a très, très peu de temps, donc hein, il a réalisé Boys Next Door. Sais-tu qu'est-ce que c'est que Boys Next Door? J'imagine que c'est une espèce de version masculine de Girls Next Door. Non. Mais si je te dis que c'est réalisé par Penelope Spheeris. La réelle de Wentworld? Exactement. Alors, Penelope Spheeris, c'est qui? C'est quoi? Je fais un encart très rapide sur elle. C'est une dame qui était spécialiste, qui était proche du milieu de la musique dans les années 80. Qui avait, je crois qu'elle a réalisé des clips, mais en gros elle avait une légitimité, c'est pour ça qu'elle a réalisé Wentworld, que moi pas un film que j'aime beaucoup, que je préfère en VF largement, mais qui est pas un film que j'aime parce beaucoup. Parce que Alain Chabat et Dominique Farrugia à la DA de la VF. Parce que n'importe qui est plus drôle que Mike Myers. Surtout Alain Chabat. Oui. Notamment sur Shrek. Ah c'est lui, oui tu m'avais dit. Bah, tu m'avais dit effectivement. Alors, c'est lui qui fait la voix de Shrek en VF. Oh je savais. Oh c'est bah, maintenant que tu. Merde, qui fait la voix de l'âne? Bah la VF de Eddie Murphy. Mais dans le dos. Beaucoup de choses s'expliquent à moi. D'ailleurs, qui est mort il y a quelques temps. Ah, bon, bon. Qui est aussi un réalisateur, Madondo, qui a fait beaucoup notamment de films sortés sur l'Afrique. Ah, je savais pas du tout. Voilà, il y a un coffret Blu-ray avec trois de ses films qui est sorti il y a quelques années, qui est dispo à la FNAC, si vous le voulez. Et donc, alors, Penelope Spheeris, pour dire un truc, elle a fait un film, c'est pour donner à personne, elle a fait un film qui s'appelle Les Loubars. Voilà. J'avais prévu mon crossover parce que ça me permet de lui taper sur la tête à elle aussi. Et elle a fait un film, une trilogie de films qui s'appelle The Decay of The Decline, pardon, of Western Civilization, qui est une trilogie de films des 70, 80, 90 sur la musique de cette époque-là. Donc ça va être sur la scène punk dans les années 70, sur la scène rock années 80 et sur la scène metal en gros des années 90. Okay. Et en fait, j'attends l'épisode 47. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans le côté turbo-glauque et surtout mise en scène du côté turbo-glauque. Typiquement, lorsqu'elle va voir des jeunes, alors dans le troisième, dis-toi, elle va filmer des jeunes qui sont. Alors, je crois que c'est le punk aussi des années 90. J'avoue que c'est le 3, pour le coup, je l'ai vu il y a quelques années pour le coup. Et dis-toi, elle va filmer des jeunes SDF. Genre qui sont vraiment à la rue et elle va les filmer. En mode, ouais, ça fait quoi de vivre et tout. Voilà, et donc Boys Next Door, pour taper dessus une dernière fois. Attends, tu fais pas assez pauvre, tu fais pas assez pauvre. Non mais c'est exactement ça. Il y a une fois, il y a Ozzy Osbourne, je crois, qui vient, je crois que c'est dans le 2, elle le filme en train de se servir un verre de jus d'orange. Et en fait, cut. Et Ozzy Osbourne, il y a 80, bon, c'était l'époque où il était... Oh. Et je parle pas de renommée. Et à un moment, elle va faire un cut, et tu vois la main qui tremble et qui fout du jus d'orange partout à côté, et c'est pas sa main en fait. Ah oui, ok. On est à ce niveau-là de manipulation. Et donc dans Boys Next Door, c'est un film... On est au niveau de... on est au niveau de la version longue de The Party at Kitty and Studs, le film porno, enfin le film érotique en fait, c'est un porno soft, avec Stallone, qui est son premier... Il y a des scènes hard... C'est ça, où en fait, des scènes ont été rajoutées après le succès de la saga Rocky, et le film a été renommé Les Talons Italiens, d'ailleurs. Pour surfer sur le côté... Voilà, et avec des scènes rajoutées, notamment des inserts de tub, qui n'est pas la tub à Sly, mais qui ont été rajoutées pour faire croire que bah, c'était un porno avec Stallone, alors que c'est un... érotique porno soft. On appelle ça l'opportunisme. Et donc, dans Boys Next Door, elle fait quoi? Alors, c'est l'histoire de deux jeunes qui finissent l'école et se disent « Ouais, faut qu'on fasse des trucs de ouf et tout. » Et en gros, ils vont plus ou moins te virer serial killer. Et en fait, au début du film, t'as tout un truc en mode « Ouais, aux États-Unis, il y a tant de serial killers qui n'a rien à voir. » Et en fait, c'est juste, on lui a dit « Ouais, et tout, mais ça, tu verras, c'est pour surfer sur le côté... » Voilà, donc quelqu'un d'élégant et classe, bref, Joël Soisson, je te déteste. C'est à quelle époque, ça Boys Next Door? Oh, ça doit être 80, 90. Parce que je pense que c'est aussi un peu l'émergence de l'intérêt pour les serial killers du début du... 85. Bah, ça arrive pas longtemps après le début du profilage, aussi, mine de rien. Oui, bien vu. Et donc, non, mais et c'est pour cette raison que je déteste ce que fait actuellement Ryan Murphy avec ses séries. Et donc, on a oublié rapidement les éditions physiques, Roman, sur Halloween 3 et sur Trick or Treat. Alors, Trick or Treat, à ma connaissance, il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de DVD. J'en ai pas trouvé. Ou de Blu-ray français, en tout cas. Il a bien une tête de film passé à la télé ou sur VHS. Ouais, bah, il y a une VF, donc il a dû avoir une sortie VHS à l'époque de nos grands frères. Et il y a une édition allemande qui, j'imagine, a une VF, puisque sur le fichier qu'on avait trouvé, il y avait la VO, la version allemande et la VF. Et la version allemande, elle est... Oh, voyez-le, hein, franchement, c'est... Voyez-la, c'est... Les Allemands doublent tout, mais doublent mal. C'est pas du racisme. C'est des faits. Mais donc, pour Halloween 3, il y a un coffret DVD Halloween 1 à 5 qui, aujourd'hui, coûte une turbo-blinde, plusieurs centaines d'euros. Je l'ai. Ok. Et à l'époque, il m'avait coûté, genre, 30 euros. Donc, je suis content. Il y a un Blu-ray ricain, il y a aussi un Blu-ray ricain dans une collection avec toute la saga qui fait en fait une espèce de longue frise. Si on met toutes les jaquettes côte à côte, ça fait une longue frise de la saga. Donc c'est chez Shout Factory ou Scream Factory. Shout Factory. Voilà, donc c'est des éditions 4K et Blu-ray. Et en France, on a eu l'édition collector par le Chat qui fume, puis l'édition des Blu-ray simple par le Chat qui fume aussi. Donc voilà, trouvable en France. Alors on passe à la suite, alors on passe à ce qui est, je pense, un de mes gros coups de cœur de cette période d'Halloween. Alors, c'est un énorme film culte aux États-Unis, en France pas tant que ça, j'ai pas l'impression qu'il ait une si grosse renommée du côté européen. Pas tant, mais déjà en France, c'est, on en parlera au moment de l'édition physique, mais c'est un film qui est difficilement trouvable. Alors, moi je le connais sous le titre Night of the Demons, j'imagine que ça doit être La Nuit des Démons en français, je connais pas le titre français. Alors, j'ai une édition DVD qui s'appelle Demon House, aussi. Ouais, ma foi. Voilà. Mais qui, je crois, est aussi un titre alternatif du 3. Mais pour le coup, j'ai Demon House 1 et 2, donc... Compliqué. Ouais, compliqué. Mais donc, Night of the Demons, alors rapidement, c'est l'histoire de quoi? C'est une bande de potes qui vont à une soirée organisée par Angela. Angela. Et à cette soirée, ils réveillent un démon par erreur. Ça arrive. Qui, oui. Ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. C'est bien Demon House, dans son titre français. Et le démon va les posséder un par un, les tuer, jusqu'au dernier, a priori. Et, alors, c'est réalisé par Kevin Tenney. Alors, Kevin Tenney, c'est pas quelqu'un qu'on connaît beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait des films des années 80 que moi j'aime vraiment beaucoup, notamment Witchboard, le premier, et Witchtrap, qui est un autre film que j'aime vraiment bien. Alors, je crois qu'il a réalisé Witchboard 2, mais je suis vraiment pas sûr de ça. Alors, juste sur le titre... Demon House, titre DVD français, titre VHS, La Nuit des Démons, et qui est aussi le titre québécois. Ah oui, il ne facilite pas le travail. Alors, au scénario, il y a Joe Augustine qui a écrit le 1 et le 2, donc rien de vraiment marquant. Et au casting, j'ai rien trouvé qui soit vraiment marquant, qui mérite l'attention. Sauf évidemment Amelia Kincaid, donc, qui joue Angela, et qu'on retrouve donc, dans le 1, dans le 2, dans le 3, et qui a fait qui aujourd'hui, bah, entre guillemets, était surtout reconnue pour ce rôle-là. Et j'ai vu que c'était. Elle était aussi Animal Communicator. Elle parlait aux animaux. Et elle se proclame. La femme qui murmure à l'oreille des chèvres. Elle se proclame Pet Psychic. Donc, ok. Mentaliste des animaux. J'imagine. Voilà. Alors, Night of the Demon, alors, il a un énorme statut culte aux États-Unis, comme j'ai dit, si bien qu'il y a des documentaires qui sont faits, il y a eu plusieurs suites, il y a eu un remake d'un remake qui a une histoire compliquée, étant donné qu'il a d'abord eu une sortie régionale, qui est de région en région, et ensuite il est très très vite sorti en vidéo. Mais moi, c'est un film que j'aime vraiment énormément. Pourquoi on parlait de film confortable? Parce que tout ce que vous voulez d'un film des années 80 est dedans, y compris, et je l'avoue tout de suite, la colossale misogynie du film. Ah bon? Qui est, alors ouais, surtout, j'ai vu passer des trucs sur Reddit, hein, pour citer ça, et sur la crème de la critique française hallucinée, évidemment, comme quoi c'est un film sur une femme forte, parce que Angela devient forte, etc. Je suis vraiment pas d'accord, pour moi c'est un film viragophile, ce qui est pas du tout la même chose. Un film quoi? Viragophile, le fantasme sur les femmes puissantes. Ok. Typiquement Naked Weapon. Okay. Naked Killer, Naked Gun, les films sur les films asiatiques sur les femmes avec des fusils à pompe. Et donc, c'est vraiment un film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. Alors, le décor, c'est un des décors les plus lunaires pour une soirée que vous verrez. C'est genre, plus glauque, tu peux pas faire, donc je vois pas qui a l'idée de lancer une soirée là-bas, mais on s'en fout. Quel couple a envie de coucher dans un cercueil, à part le film des années 80? Bah, lui. Alors, 88, donc, enfin, 80, ok, mais vraiment... Et en VF, c'est vraiment, c'est... Hey, t'as envie de faire l'amour? Ah oui, je l'ai jamais fait dans un cercueil, allez. Et ils le font fermé. Ils le font avec le cercueil fermé. C'est qui fait ça? Non, mais c'est complètement lunaire. Il y a quelques effets gore très sympas, notamment des effets de transformation qui peuvent rappeler Démon de Lamberto Bava, mais on n'est pas en Italie, faut pas déconner. Et vraiment, c'est un petit bon, mon petit bonbon d'Halloween. Alors, très rapidement sur les suites, je vous conseille le 2, oui. Que je trouve vraiment pas meilleur du tout, mais qui est une suite tout à fait correcte. Moi aussi. Je déteste le 3. Pour le coup, qui est une vraie merde, et je vous déconseille fortement le remake, qui, alors, ce qui pouvait être excusable en 88, l'est un petit peu moins en 2009, et ce qui a du charme en 88 n'en a pas en 2009. Imaginez qu'en 88, c'était genre Scorpion et Bon Jovi, en 2009, c'était la tectonique. Je vous laisse réfléchir à ça. Et toi, donc, Romain, toi, tu l'avais jamais vu, Night of the Demon? J'avais vu que le remake, il y a pas loin de 10 ans, maintenant. Les bons moments. Ouais, alors bon, typiquement... Années 80 pour un P4, on est là. Ah oui, là, il y a tout. Et même, on m'avait même le truc où ils ont pas les droits des musiques, parce que j'ai vu, c'est vraiment un film qui a pas beaucoup de budget, hein, c'est limite vraiment la bande de potes. Mais du coup, ils ont pas les droits des musiques, et du coup, ils citent les musiques. Genre, t'as un patch Exodus sur la voiture qui est un groupe de thrash metal de cette époque-là, enfin, qui est encore actif aujourd'hui, qui est très sympa, mais qui avait son pic à ce moment-là. Et dedans, ils vont te mettre les noms des groupes, tu fais waouh. Moi, j'étais trop chaud, j'adore ça. Donc bien bien étisse comme il faut. Alors pour la misogynie, tu parlais de baiser dans le cercueil, tout ça, mais il y a la fameuse au tout début du film, le plan, la diversion. Ah, putain, la diversion. Alors pour moi, le sommet dans ça, c'est Massacre au camp d'été 3, qui a un plan nichon au bout de 15 secondes de film, 15-20 secondes de film. C'est tu démarres, paf, piège. Alors la diversion, bon, je te laisse y aller, hein. C'est cool, écoute, toi qui en parle, je te laisse foncer. N'oubliez pas que le film est filmé par un homme, évidemment. Mise en situation, vous voulez voler des trucs dans un supermarché. Vous êtes deux femmes, ou un homme et une femme, enfin, il faut qu'il y ait une femme dans l'équation. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi j'ai pris film déjà, moi? Petit 1, est-ce que une des deux personnes va discuter avec les caissiers pour que l'autre puisse voler? Petit 2, est-ce que l'une des deux va se pencher en avant de sorte à révéler ses sous-vêtements pour que les... Et c'est pas genre vite caissiers... faire un bout de tissu qui dépasse. Hein. Non, c'est ça, c'est vraiment pas mzou, quoi. C'est vraiment le plan culotte... Et le plan qui dure, ouais, qui dure bien ces 5-6 secondes. Oh, et qui est répété, surtout. Ah. Pour distraire les caissiers qui vont rester bouche bée... Parce que bon... On dit que le film est sexiste, il est sexiste pour les hommes aussi, hein, vraiment. Tout le monde en prend, ouais. Interdiction des hommes dans le film. Les meufs en prennent peut-être un peu plus. Vraiment. Oui, non, évidemment, les femmes prennent plus pour leur gueule, mais les hommes c'est vraiment, Oh le cul. Moi voir vagin sur pattes, moi vouloir vagin sur pattes. C'est vraiment ça. C'était une époque, fallait y être. Voilà. C'est quelque chose. Mais, qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? Bah, pour le coup, des effets pratiques. Oui, et là, magnifiques. Et là, pour le coup, il y a vraiment du bon maquillage dégueu. Ouais. Des maquillages, des prothèses et un bestiaire assez créatif aussi. Enfin, vraiment. Ouais, c'est vraiment cool. On est. Pour le coup, ça, c'est bien trouvé dans le film. La mise en scène. Aussi. C'est étonnamment tenu. T'avais posté en story le plan du miroir cassé avec les reflets dedans. Oui. Qui pour le coup est vraiment super. Bah en fait, c'est pas. Tu peux difficilement faire une analyse de mise en scène sur le film, mais c'est typiquement les plans, ce que j'appelle les idées gadgets. En gros, c'est plein d'idées de plans qui sont inutiles. À nouveau, j'avais mis un plan où en fait il y a un miroir brisé, il y a toute une conversation qui se fait via le miroir brisé. Mmh. T'as des plans étonnamment longs. Pour un film de cette époque-là. Notamment des plans culottes. Et suivant pour que je me suis fait la remarque, donc c'est que t'as quand même suffisamment confiance dans ce que tu filmes ou que t'as pas beaucoup de budget. Les deux sont possibles. Ça, t'as plein d'idées de cadrage qui sont pas déconnantes. Et honnêtement, c'est étonnamment bien emballé. Et c'est quelqu'un qui a. On a vu tous les Freddy, on a vu tous les Jason, on a vu tous les Halloween, on a des standards bas, hein, on est prêt à accepter très très bas sur ces trucs-là. Et c'est vrai que là, Night of the Demons, tu fais waouh! Un film bien filmé. Ouais. Et le 2 est pas mal aussi. Voilà. Il est moins inventif, mais il est totalement correct. Mais franchement, je pense que je préfère le 2, parce que le 2 est plus fou, je trouve. Le 2, j'ai aussi souvenir d'une bonne grosse louche de misogynie. Alors, évidemment que c'est misogyne. Donc, dans le 2, on va suivre des adolescents dans un internat qui se font priver de... Ah, c'est le 2 qui est dans l'internat. Qui se font priver de fête d'Halloween, et qui du coup vont... invoquer Angela aussi. Du coup, qui vont squatter la maison, et qui vont... Angela qui va pas être invoquée, qui va juste être là, en fait. Oui, pardon. Et avec cette fameuse scène où... alors, internat religieux, avec une espèce de mère supérieure, qui... pour le coup, je trouve assez drôle, genre... Oui. Dès que deux personnes sont un peu proches et s'embrassent, elle dit « laissez de la place pour elle ». Non, c'est vraiment laisser de la place pour le Saint-Esprit. Et le 2, d'ailleurs, je viens de voir, est réalisé par Brian Trenchard-Smith, qui est, alors nouveau, pas un auteur de renom, mais qui a quand même réalisé Man from Hong Kong, Leprechaun 3 et 4, oui. Qui sont... Alors, j'ai pas vu le 4, j'ai vu le 3. Un jour, on parlera des Leprechaun. Moi, j'aime beaucoup ces sagas, mais... J'ai vu le 3 premier, j'aime bien, pour le coup. Oh bah c'est à partir du 4 que c'est un peu plus hors-piste, quoi. Quoi, dans l'espace, comment ça? Oh, merde. En fait, je vais pas faire genre que j'aime le 4. Mais... Le Prochain in the Hood? Oh, non, ça, c'est le 5. Le Prochain in the Hood, c'est le 5. Oui, c'est le 5. Oui, c'est le 5. Bah, le 4, c'est l'espace. Oui, le 4, c'est l'espace. Le 3, c'est Vegas. Oui, le 3, c'est Vegas. Le 4, c'est l'espace. Le 5, c'est in the Hood. Et après, t'as... Et t'as Back to the Hood. Back to the Hood, voilà. Et après, t'as le Leprechaun Origins, mais qui est pas canon. Ouais. Et qui est réalisé par... Je sais plus, et le. Leprechaun Returns, je crois, qui est réalisé par. Tu vas m'aider, Psycho Corman Kostansky. Non. Mais voilà, donc Brian Trenchard-Smith, qui est aussi quelqu'un de très compétent, ma foi. Oui. Et oui, effectivement, le 2 qui est vraiment. En fait, le gros avantage du 2, moi je préfère le côté très bande de potes du 1. Ouais. En fait, le 1, c'est typiquement le film que, voilà, bon, c'est un peu d'argent, tu peux faire avec tes potes. Et un pote maquilleur. Mais tu vois, le 1, je peux presque voir les machines à fumer. Mais d'un côté, genre... Je vois ce que tu veux dire. J'aime bien, genre, un très confortable. Le 2, tu sens qu'il y a un peu plus de budget. Alors le 3, par contre, alors toi, t'as eu le temps de les revoir, moi pas. Mais alors si, j'ai revu le remake en x1.25. Mais voilà, t'as eu le temps de les revoir. Et alors le 3. Le 3, bah c'est pas bien. Le 3, j'ai le souvenir d'être gêné devant. Mais qu'il y a quelques effets spéciaux gore un peu cool. Ouais, puis il y a une VF, comme on est au milieu des 90, donc il y a une VF catastrophique. Qui a pas de tube, mais qui est marrante du coup à voir. Bah, en fait, le 3, il est réalisé par Jim Kaufman, alors que je connais pas énormément, mais que je connais pour avoir réalisé une chose qui est Backstab, que je vais pas faire croire que j'ai vu, que je n'ai pas vu, mais je connais une scène qui est. Là aussi, le rapport aux femmes, c'est compliqué. Le 2, t'as donc. Et le 3 d'ailleurs est écrit par le réalisateur du 1, Kevin Tenney. Ok, mais donc le 2, quand la mère supérieure apprend que. Enfin, la nonne apprend ça, apprend que des élèves sont partis pour aller dans un manoir et que ils ont des problèmes dans ce manoir, elle va y aller, armée d'eau bénite. Elle a littéralement une espèce de water tank à eau bénite où elle va remplir des pistolets à eau avec ça. Non, mais c'est. Le mal par le mal. Et il y a la scène alors, qui certains appellent le non-fou. Oui. où elle le gif est connu. C'est ça, où elle prend un chapelet, où elle fouette un démon avec. Ouais, c'est magnifique. Le gif est connu, le gif est connu. Et après, t'as Night of the Demons, le remake, alors que moi j'avais trouvé vraiment catastrophique. Enfin, alors non, j'exagère. Je pense aussi que j'ai un vrai attachement pour le 1 qui explique ma disgrâce pour le remake, enfin ma colère contre le remake. Mais moi vraiment je le mets à côté, genre je sais pas, du bal de l'horreur quoi. C'est du remake du bal de l'horreur. C'est pas le pire remake. J'ai pas le remake pour le coup. Bah le pire remake, genre c'est, ça restera. Freddy. Voilà, Freddy c'est tout en bas. Mais. Enfin, en fait, c'est. Tu vois, le bal de l'horreur, dans un monde entre guillemets où j'ai pas d'attachement particulier au film, c'est juste genre, ok, moi, on s'en fout, on passe à autre chose. Parce que comme moi, j'aime vraiment beaucoup l'original du bal de l'horreur. Quand je vois le remake, je fais. Bah, tout ce que tu pouvais faire bien, tu le fais pas. Et là, bah, c'est exactement pareil sur Night of the Demons. À la limite, j'ai souvenir de quelques effets trashouilles un peu rigolos. Oui, ça, c'est très bien fait. Et alors, voilà. Le casting. Ça doit être un casting d'époque ça aussi. Ah bah le casting, l'héroïne, c'est l'héroïne de Freddy contre Jason. Alors est-ce qu'elle retrouve son pire ennemi qui est la gravité? Parce que dans Freddy contre Jason, on oublie, mais il y a plusieurs scènes où. Comment dire ça sans passer pour un bof? Quand tu cours, oui. En étant. Comment dire? Formé comme elle est. Voilà. Et que tu as juste une couche de vêtements normale. Ça tombe. Bah, est-ce qu'elle retrouve son pire ennemi? T'as pas Edouard Furlong dans le remake? Il y a Edouard Furlong. Oh, putain. Edouard Furlong en 2009 en plus. Oh, la vache. Et alors, pour parler de ce dont tu parlais, le film est fourni à ce niveau-là, puisque Angela, c'est Shannon Elizabeth. Non. Si. Donc c'est Shannon Elizabeth, American Pie, Scary Movie. Vous l'avez. Oui, on l'a tous, oui. Nadia, l'Ukrainienne, je crois. Oui, l'Ukrainienne. Dans American Pie 1 et 2. Elle est en deux ? Oui, mais en fait... Alors j'avoue que... Moi, je suis attaché à mes trucs vicieux, hein, toi, t'es attaché à American Pie. Hein. En fait, tout le but de American Pie 2 pour Jim, c'est de... Reconquérir... C'est de draguer Nadia. C'est le 2 où il y a la scène de la fanfare ? Oui, je crois, oui. Et du coup... C'est dans le 2 qu'elle est lesbienne ? Oui. Et du coup, pour ça, dans le 2, il va demander à... alors, Michel, voilà, je parle de Negan. De le coacher plus ou moins en drague, et sauf que bah, du coup ils vont finir ensemble tous les deux. Oh putain. Et ils vont se marier dans le 3. Oh. Et voilà, Monica Kina, l'actrice de Freddy contre Jason, je cherche le nom. Du coup c'est bien elle avec la gravité dans Freddy contre Jason. Oui. Oui, c'est bien elle, je crois. Et donc voilà, Edouard Furlong, Shannon Elizabeth, bon. 2000 le casting, 2000. Bien 2009. Hein. Non, mais, ouais, genre, j'avais détesté ce remake. J'avais vraiment trouvé. Surtout j'avais trouvé ça, comment dire. Insipide en comparaison du 1, c'est-à-dire que je vois que le 1 c'est un côté très artisanal, très bande de potes, c'est comme ce que je disais. Le remake, je vois l'espèce de checklist de studio et qui dit ouais, ok, le remake, vers l'original, il y a ça, ça et ça qui a marché, bah vous faites pareil. Et je vois ce truc-là, et c'est bah. Je sais pas, un jour on se rappellera de cette époque-là des remakes comme d'une très très sombre époque, et à nouveau, combien de remakes de cette époque-là sont restés quoi. La colline des yeux, Halloween, un peu Vendredi 13, mais dans une cut particulière. Ouais, il y en a pas de Ring éventuellement, mais c'est quand tu t'es différencié de l'original, du coup c'est quand t'as proposé autre chose, enfin autre chose, on peut partir sur le remake etc, mais c'est, enfin je sais pas, même Vendredi 13 qui est resté quand même globalement fidèle, bah là le remake de Night of the Demons t'as vraiment la même chose quoi. On a fini sur Night of the Demons. Ouais, alors on va juste vite fait parler détail, il dure 1h30, c'est magnifique, foncé. Alors édition physique, bah Scream Factory, Blu-ray US. Et la jaquette du Blu-ray est magnifique, ouais. Est sublime. Et sur Tubi, à nouveau, plateforme complètement légale, accessible si vous avez un VPN. Et gratuite. Et gratuite et légale, et si en plus, si vous avez Adblock, vous pouvez voir sans pause. Mais bref, si vous avez un VPN, foncez sur Tubi, c'est merveilleux. Il y a deux versions du film. Il y a le film, et le film avec les commentaires du réalisateur. Si je dis pas okay. Et je crois qu'il est avec le scénariste. Je sais plus. Mais il y a deux versions, et si vous avez envie. Et vous avez les deux jaquettes que vous pouvez voir. Ouais, et en France, il est dispo dans un DVD un peu pécrave sous le nom de Demon House. Bah, en fait, c'est l'archétype du DVD que tu vois déjà prendre la poussière dans un bac à DVD dans un vide-grenier, quoi. Ouais. Et sinon, si vous voulez un Blu-ray lisible en France, le Blu-ray espagnol. Ah, il n'est pas sorti en Angleterre ? J'aurais trouvé ça étonnant, parce que pour le coup, étant donné qu'il a quand même un vrai statut culte, en tout cas... aux États-Unis, donc j'aurais généralisé sur anglo-saxon, mais je peux me tromper. Il y a un Blu-ray. Il y a des Blu-ray anglais. Non, non, même y a pas de Blu-ray anglais. Non, non, il y a un Blu-ray du 2 et un Blu-ray du remake, mais il n'y a pas de Blu-ray du 1. Je sais que c'est trop. Eh ben, ma foi. Après, on vit dans un pays où Halloween de Rob Zombie n'est jamais sorti en Blu-ray. Non. C'est le seul. Des 13 films, c'est le seul qui n'est pas sorti en Blu-ray en France. Ils ont sorti Résurrection, mais ils n'ont pas sorti Halloween de Rob Zombie, bande de bâtards. Ils ont fait un 4K de H20, ils n'ont pas fait de Blu-ray de Halloween. Allez, on passe à toi, on passe au suivant. Alors, est-ce qu'on se ferait pas l'échelle citrouille et bonbon? Effectivement, alors, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on l'avait fait, qui est l'échelle en gros qui permet de noter l'appréciation par rapport au film dans le contexte d'Halloween. On avait Guirlande et Boulet Guirlande sur... Guirlande et Sapin, je crois. Guirlande et Sapin sur les films de Noël, qu'on refera sûrement très prochainement dans un contexte particulier, bref, je n'en dis pas plus. Décembre, ça va être intense. Voilà. Et intense pour vous comme pour nous, hein, si vous voulez tout savoir. Et donc là, citrouille et bonbons. Alors, si on commence tout de suite, je tiens à mettre 5 à Night of the Demons. Au moins un bon 4. On met sur 5 ou sur 10 ? Sur 10. On met sur 10, d'accord. Et pour moi, c'est vraiment... Pour moi, 5, parce qu'il y a les déguisements... 5 a... sur 5 ou 5 sur 10 sur 10 ? Non, 10 sur 10. 5 sur 10 ? Oh, t'es dur ! 6 sur 10. On peut monter à 7, peut-être. Mais à part les déguisements, il n'y a pas grand-chose qui fait Halloween. Oh, sûr, si, oh, l'ambiance. Oh, t'es seul dans ta maison abandonnée avec ta bande de potes, couché dans des cercueils. Ouais, un petit set, peut-être. Ça, c'était tes rêves à Düsseldorf, chef. Non, mais oh, ça va, on s'amuse très bien en Allemagne. Non, mais oh, petit set, je ne monte pas plus haut. Par pudeur. 6,5. Pas 2,5, on fait pas 2,5. Ah, pour moi, c'est sans toi, sans toi généreux. On mettra Murder Party assez haut aussi, si tu veux. Il a pas beaucoup plus que les costumes, lui aussi. C'est vrai, bon. 7 pour Night of the Demon. Allez, je t'accorde. Tu es généreux. Alors, Trick or Treat. Trick or Treat, mais pour moi, ça va pas plus haut que le 3 ou 4. Hein. Le poster est à 10. Non, mais le film. Oui, mais le poster est à 10. Le film, il faut pas que je laisse ma colère parler. Y a pas grand chose qui fait Halloween. 3. Ouais, ce sera un 3 pour Trick or Treat. Ouais. Et. Halloween 3. Halloween 3, ça par contre, c'est un bon 10. Y a tout. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? T'as pas de citrouille, t'as ouais, des... t'as les masques. T'as des masques. Mais t'as... Il se passe l'idée. Attends, t'as les masques, t'as les costumes, t'as la fête qui est évoquée. Tu reviens aux origines de la fête est littéralement le thème du film. Ok, 7. Ah, tu le mets en dessous de... 2. Ah, tu mets à 7, toi tu mets que à 7. Ah, j'aurais bah, je te rappelle que tu mettais à 6, hein. 8 peut-être, pour Halloween 3. Ok. 8, allez. Disons ça. Mais donc, passons à Murder Party. De Jérémy Saulnier, réalisateur extrêmement intéressant. Alors, Murder Party, il sort le... alors d'abord, première diffusion, 21 janvier 2007, au Slam Dance Film Festival aux USA. Après, il a une sortie limitée en salle aux USA le 12 octobre 2007. Et sa première diffusion française, c'est le 5 septembre 2013, à l'Étrange Festival. Jamais sorti chez nous. Et le piratage existait, donc à cette époque-là, compliqué. Voilà. Donc, c'est réalisé, écrit, produit, mis en... Enfin, photographié et cadré par Jérémy Saulnier. Mm-hmm. Donc voilà, il est chef op, cadreur, producteur, scénariste, réal. Donc, occupé, l'homme. Donc, Jérémy Saulnier, réalisateur, son film le plus connu, c'est Green Room, avec Anthony Elchin. Et réalisateur... extrêmement intéressant, qui notamment s'améliore à chaque film. Il a fait Green Room, il a fait All the Dark avec Laurence Fishburne, qui est un incroyable film. Il a fait Blue Ruin, ouais. Très sous-estimé, mais très très très bon film aussi. Et donc dernièrement, il a fait Rebel Ridge, qui est un film que je vous recommande chaudement. Okay. Et vraiment, et je crois qu'il est producteur sur la série True Detective, qui est une des plus grandes séries de tous les temps. Donc vraiment, c'est un très très très très bon réalisateur, et surtout qui a une façon de se réinventer quasiment à chaque film qui est captivante. Ok. À la musique, bah du coup on a le duo Will et Brooke Blair, donc les qui sont aussi Jérémy Saulnier. Non, qui sont compositeurs des autres films de Jérémy Saulnier et aussi du remake de Toxic Avenger. Il y a le remake de Toxic Avenger avec Elijah Wood. Il est sorti. Ouais. Attends, je l'avais pas. Je sais que ça se faisait, mais j'avais pas vu qu'il était sorti. Sorti en 2023, avec Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Kevin Bacon, Elijah Wood. Qu'est-ce que c'est? Ok. Et Macon Blair qui joue dans. Ben, je vais en parler, mais qui joue dans Murder Party. Ok. Qui joue Lux, la fille, en gros. Non, Megan Blair, c'est un mec. Ok, je... le nom de ce n'est pas évident. Megan Blair qui joue dans Oppenheimer, Green Room, I Care a Lot, Logan Lucky, The Hunt. Donc, voilà. Et d'ailleurs, il réalise le remake de The Toxic Avenger. Ah, ok. Voilà. Le rôle principal, c'est Chris Sharp qui joue aussi dans ce fameux remake de The Toxic Avenger. Donc, on a Stacy Rock, son seul autre rôle, c'est dans Blue Ruin de Saulnier. On a Sky Saulnier qui est à la prod de Blue Ruin. Et on a Bill Tengrady qui joue, entre autres, dans Argo, Twin Peaks et Twilight 2. Le pire de la saga. Je les déteste tous à égale mesure. Je suis quelqu'un, je suis pour l'égalité, moi. Donc, de quoi ça cause ? Alors, un homme se rend à une fête d'Halloween où il a trouvé l'invitation par terre dans la rue. Voilà. Juste, vu que c'est un mec extrêmement solitaire, qui parle à personne à part à son chat et même son chat ne le respecte pas. Il s'appelle comment le chat ? Lancelot ? Oui, je crois que c'est Lancelot, ouais. Sir Lancelot. Sir Lancelot. Sir Lancelot. Mais donc, il trouve l'invitation, il décide d'y aller, sauf que bah, il va se rendre compte qu'il a été invité pour... Une murder party. Une murder party, où il va littéralement se faire tuer au nom de la performance artistique. Des étudiants en art. Voilà. Voilà, voilà. Alors, pour le coup, le film est bah, une bonne grosse critique bah, de ce milieu-là, justement, de ce milieu très, très arty, très prétentieux, au final. Très... très snob avec, avec ses génies autoproclamés en mal de reconnaissance, avec ses frustrés et avec ses arnaqueurs. Beaucoup, beaucoup d'arnaqueurs dans ce milieu. De gens qui, en tant que chose, volent l'œuvre d'autres gens. C'est aussi un film qui est bah, un peu trashouille, mine de rien, par moment. On va pas se mentir, le gore est... Il y a une tête en feu. Entre autres. Il y a le final qui est assez sanglant. L'humour noir, pour le coup, moi, si ça peut se foutre de la gueule des mecs qui se sentent plus pissés parce qu'ils s'autoproclament génie, bon, je suis toujours heureux dans ces moments-là. Et pour le coup, c'est assez sadique aussi. Hein. Moi, j'aime pas le film. C'est pas le film. Alors, j'aime pas le film, moi. C'est pour ça, je suis assis, moi. Vas-y, mais je t'en prie. En fait, alors, je dis que Jérémy Saulnier s'améliore à chaque film, et bah, en fait, je pense que le plus gros gap, c'est entre ça et Blue Ruin. En fait, j'aime pas le film parce que, alors. Il y a déjà un instinct de mise en scène qui est hyper intéressant parce que t'as des plans extrêmement longs, mais on n'est pas sur des plans séquences, mais il est pas loin quand même parfois. Et il y a déjà un sens du découpage et de l'angle, du placement de caméra qui est évident, ça saute aux yeux. Mais j'aime vraiment pas beaucoup le film parce que en fait je trouve le film très très facile en fait. C'est-à-dire que je vais pas dire qu'il est artificiel parce que je pense pas qu'il le soit. Il y a quelques scènes plutôt réjouissantes à nouveau. Le final je trouve assez rigolo. Il y a quelques scènes un peu amusantes, mais moi, le côté, ouais, on va se critiquer, on va taper sur les artistes et tout, je suis loin d'être attaché à ces gens-là, mais moi, ça me semble vraiment presque trop facile, trop évident, on va dire, dans les choses que ça va dire, dans les choses que ça va ou que ça veut dire. Et donc, bah, en fait, ce qui fait que, avant les 20 dernières minutes, bah, moi, je regarde ça de façon un peu distante, et chaque vanne, je peux quasiment savoir comment elle va finir. C'est vrai que je vois l'intention, je vois la note, je me dis, ok, je suis dans ton camp, maintenant vas-y, fonce. Mais moi, en fait, c'est un film qui est très, presque puéril par instant, et c'est pour ça que j'aime vraiment pas beaucoup le film, et surtout, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est tout ça pour pas grand-chose, au final. Et non, je le déteste pas, je c'est suffisamment bien mis en scène pour que je regarde. Il y a quelques scènes gore plutôt amusantes, il y a quelques vannes qui fonctionnent. Tout ce qui est autour du sérum d'amour, genre... Le bonhomme qui fait ouais, tu te rappelles, le film de vérité, pardon. Et qui fait ouais, tu te rappelles, on était ensemble dans le château d'eau, nanana, et fait ah non, je me rappelle pas. Ça c'est drôle. Mais ouais, j'avoue que je trouve le pseudo-commentaire un peu limité, on va dire. Surtout que, enfin, quitte à se moquer de ces gens-là, il y a quand même un champ de possible assez immense. Je me demande s'il n'y avait pas moyen de faire un truc pas plus raffiné, mais un peu moins facile. En tout cas, donc c'est ça, j'avoue, sur ce point-là, j'aime pas beaucoup, enfin, j'ai pas d'attachement particulier à Murder Party. Et surtout, alors, ça peut paraître faux cul de dire ça de ma part, vu le dernier film dont on va parler, mais bah, c'est quand même un film qui est moche, mais qui est moche, qui est vraiment moche, quoi. T'as 90% de ton film qui se passe dans un hangar avec des cartons, mais vraiment, c'est hangar-carton. Mais littéralement, le costume du mec est en carton. Ouais, alors ça, pour le coup, je trouve ça rigolo. Je trouve l'idée... L'idée de caractérisation du personnage à base du faux costume de chevalier très assez attachante. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert le film, c'est-à-dire qu'en fait, dans Scream 5, tu as, donc, au moment de la soirée où t'as Dans Scream 6, pardon. Oui, Scream 6. Ouh. Quand il y a la soirée d'Halloween, il y a un mec qui passe avec ce costume-là. Ah bah, ça m'étonne pas que pour le coup, les deux réalisateurs aiment bien le film. Parce que je pense que ça doit être... Ça doit leur rappeler des souvenirs, mais en fait, moi, il y a plein de... En fait, il y a des graines d'idées qui m'intéressent. La caractérisation des personnages, je la trouve vraiment pas mal faite. C'est plutôt... pas fin, mais c'est plutôt bien senti à plusieurs moments. Il y a quelques gags qui fonctionnent très bien, notamment la personne qui va manger un bout de gâteau, qui dit qu'elle est allergique, qui se casse la gueule, qui meurt. Ça, je trouve ça plutôt amusant. Il y a certaines scènes gore vraiment bien senties, et on sent, et ça éclot dans Green Room, alors que j'ai pas revu depuis bientôt 6 ans, je crois, Green Room, mais qui, dans mes souvenirs, est quand même bien trash par moments. Il y a une énergie qui s'en dégage, c'est plutôt bien mis en scène, la direction d'acteur est hasardeuse, on va dire ça pour le moins. Oui. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à accrocher au film, visuellement, il m'attire pas beaucoup, et le côté, waouh, on se moque des artistes, oui, évidemment, je suis dans votre camp, foncé. Mais c'est un peu facile à faire, d'autant plus que c'est trop, en fait, il y a le côté trop tous dans le même panier. Je fais, oui, effectivement, mais c'est pas que ça, enfin, je sais pas, moi, c'est... Pas beaucoup d'attachement à Murder Party, je dois bien admettre. Bah, moi, pour le coup, je suis un peu plus attaché que toi, parce que je trouve déjà... Bon, le côté homemade, il est justement assez attachant, au final. Bah alors, après, c'est peut-être une question d'époque qui joue, parce que typiquement, le côté homemade, je le vois, mais à 300 km sur Night of the Demons, et j'adhère à 100%. Alors que là, je sais pas, c'est peut-être le côté vidéo de l'image qui me fait tiquer. Peut-être. Bah aussi, le film n'est jamais sorti en Blu-ray. Nulle part. Il va sortir en Blu-ray dans un mois, oh. Édité par Vinegar Syndrome, qui avait édité... Alors, si, comme moi, vous avez été frustré d'être passé à côté du Blu-ray Chat qui fume de 36 heures Scott Père Noël, Il y a vraiment des frustrés de ça ? Ben, moi, pour le coup, je me suis dit, la seule édition française du film en Blu-ray me passe sous le nez. Mais parce que le film, il est pas... Moi, j'aime beaucoup. Non, mais il est sympa. Mais ok. Mais bah, édité chez Vinegar Syndrome en 4K. Ah, quand même. Donc sympa. Mais donc il va sortir, voilà, il sortira en Blu-ray chez Vinegar Syndrome, 26 novembre, si vous voulez. Donc pile un mois après la sortie de l'épisode. Mm-hmm. Et bah, pour le coup, je te dis, moi, oui, c'est pas fin, oui, c'est pas du tout subtil et c'est un peu long sur sa bonne première moitié. Après, on va pas se mentir, c'est un film qui fait 1h15, 1h17. 1h20, 1h20 tout pile. Enfin, 1h17 sans compter le générique. Donc bon... Même si tu te fais chier un peu, ça passe vite, mine de rien. Bah en fait, ce qui m'emmerde, c'est que lui-même est un artiste, en tout cas un créateur, etc. Et je trouve ça toujours un peu malvenu, le côté je me moque. Enfin, je sais pas, moi, ça m'interloque un peu quand même. Je me dis, ouais, enfin, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Et surtout, si tu veux faire une bisserie, fais-le. Mais passe pas la moitié de ton film à te moquer de façon vraiment lourde de choses. Évidente. Enfin, je sais pas, mais c'est... Bof, quoi. Me dis, quitte à faire un film con, fais-le. Mais ne te donne pas un commentaire qui serait au mieux malvenu, au pire inutile. Je vois ce que tu veux dire, je sais ce que tu veux dire. Pour le coup, moi, ça me trigger pas autant que toi. Bah, c'est pas que ça... Mais après, je pense qu'on a des parcours, on va dire, scolaires, entre autres, différents, donc on a des rapports différents à ces choses-là, mais moi, c'est toujours... Ouais, je trouve ça toujours dommage. Je trouve ça toujours dommage, et surtout... ouais, c'est ça. On a vu, après, que Jeremy Saulnier, dès Blu-ray, ça devient vraiment, vraiment super. Et qu'il est capable de faire souvent des discours assez... Notamment sur All the Dark. Vraiment... Alors, je sais plus ce que c'est le titre français de All the Dark, je m'en excuse. Mais vraiment... assez fin et assez bien vu sur plusieurs sujets. Donc là... Et même Rebel Ridge, qui est... Aucun homme ni Dieu. Comment ? Aucun homme ni Dieu. Aucun homme ni Dieu, effectivement. Quel titre, mon Dieu. Donc là, je sais pas. Après, je pense que c'est un film qui a été fait entre dans la fougue de la jeunesse. Genre, je sais pas, il devait pas être si vieux que ça lorsqu'il a fait un film, le bonhomme. Jérémy Saulnier, il avait 29 ans quand le film est sorti. Oui, voilà, ça... Donc, 31 ans. Bah, ok, donc ça reste assez jeune, on va dire. Donc, non, pour le coup, je comprends que ça a été fait comme ça, moi, c'est parce que... Surtout venant d'un réalisateur que j'aime autant, en fait. Surtout ça, je pense. Ok, parce que pour le coup, moi, j'avais vu que Green Room, que j'avais... Bien aimé, franchement. Green Room, pas des bases de souvenirs, c'était il y a un petit moment déjà. Green Room, ce qui me fait rire, c'est qu'ils vont à un concert de punk et c'est un film qui a exactement une énergie punk et j'adore ça. Enfin, moi, je sais que j'aime vraiment beaucoup Green Room avec Patrick Stewart dans un rôle de connard qui est assez intriguant si on l'avait vu que dans X-Men avant. Ou même dans Star Trek, hein. il est possible que je n'ai pas vu certains Star Trek. Bah c'est le... C'est le... Ah non mais je vois qui joue. Le mais... Picard, voilà, du coup à partir de Star Trek New Generation. Et, non, mais c'est, bah, et qui est... Il me manque cet élément à ma culture. On a fini sur Murder Party ? On a fini sur Murder Party. Alors, sur l'échelle, c'est trouvé bon. Parce que le Blu-ray, j'ai... Ah, pas beaucoup. Pas tant que ça. Oui, ouais, 6. 6. En fait, le truc, c'est que tout ton film se passe dans un hangar, quoi. C'est pas... Enfin... Ouais, bah tout le monde est déguisé, après, mais... Oui, même les déguisements, c'est... Ouais, c'est des déguisements de fac d'art, en fait. C'est ça. Moi, je suis trop un artiste. Ouais, j'ai pas le visage en blanc, j'ai laissé du noir sur les yeux. Tu peux pas comprendre. C'est... Non, ça c'est cool, t'as le noir sur les yeux. Ça c'est cool, ça. Je savais que t'allais kiffer ça. On passe au film d'après. Alors, ces films, on triche un peu, parce qu'il se passe pas vraiment à Halloween. Il y a un segment qui se passe à Halloween. Alors, qui est le dernier du film, en plus. C'est le tout dernier. Ah, okay, très bien. Alors... Oui. VHS, alors VHS c'est quoi ? VHS c'est une anthologie horrifique dont on n'a jamais parlé avant dans cette émission. C'est vrai. Une anthologie horrifique qui aujourd'hui compte 7 épisodes, donc VHS 1, 2, Viral, 94, 85, 99 et Beyond. Ouais. Je suis sûr de ne pas en oublier. Alors, ça a été lancé par Bloody Disgusting. Alors Bloody Disgusting, c'est quoi ? C'est un site américain spécialisé dans les films d'horreur. Si vous avez vu Terrifier 3, ils sont derrière. Enfin, ouais. Ils sont derrière Terrifier 2, et c'est un acteur très important, on va dire, de l'horreur aux États-Unis. Et alors, c'est à chaque fois le principe de VHS, c'est quoi ? C'est qu'il y a un fil rouge en found footage. C'est que des found footage. Et il y a plusieurs segments qui vont être réalisés par plusieurs réalisateurs, tous généralement c'est toujours très hétéroclite comme proposition. Ouais. Et c'est, je trouve, de loin l'un des gestes autour du found footage les plus intéressants qu'on a eu, notamment depuis sa renaissance récente. Alors on en parlait juste avant, VHS 1 c'est 2012, 2 2013, 3 2014. Pause de 7 ans, et ça reprend donc en 2021, voilà, ouais. Avec 94, si je dis pas de bêtises. Avec 94, après voilà. 99... 85 l'année dernière. Ouais, et Beyond cette année, et donc, et déjà VHS 8 annoncé pour l'année prochaine, donc c'est chaque année le nouveau VHS. Ouais, alors 85 qui est sorti cette année en France sur Shadows. Voilà. Alors, précisons, tous les VHS ne sont pas bons, on aura l'occasion d'en reparler, ça dépend généralement des réels derrière, bizarrement. Devinez pourquoi la saga a eu un petit gap de 7 ans. Voilà. Alors, à la barre du 1, on a qui ? On a Adam Wingard, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé à une époque pour Your Next et The Guest. Et que depuis je déteste pour ces Godzilla de merde, entre autres. Vraiment, Adam Wingard, c'est quelqu'un, il faut qu'il reste très très très éloigné des studios. Typiquement, Godzilla X Kong, le nouvel Empire, là-bas, c'est lui. Et également, c'est quelqu'un. Alors, il réalise le fil rouge du film. Oui, il réalise, mais il participe au film. Également, j'aime toujours faire cette vanne, mais il avait réalisé un film qui s'appelle A Horrible Way to Die, et que sur internet, qui est surnommé A Horrible Movie to Watch. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi, bah, voyez-le. Il y a David Bruckner, alors que là, j'aime beaucoup plus que Adam Wingard, oui. Qui est, alors je trouve, l'un des réalisateurs d'horreur récents les plus intéressants, qui a également beaucoup travaillé sur VHS, donc il a fait le 1, il a réalisé Siren, non, il a produit Siren, si je crois. Bah, qui est du coup le spin-off de ce segment. Donc il a produit Siren, il a participé à 94 et 99, pas en tant que réal, en tant que producteur, je crois. Et il réalise dans 85. Celui avec Derrickson ? Oui, alors je les confonds tous. Oui, du coup il réalise dans 85. Et à part ça, il a réalisé quoi ? Donc il était dans Radio Silent à une époque, si je dis pas de bêtises, et il a participé à Southbound, Route 66 ? Non. C'est ça. Qui est un film à sketch, qui est pas parfait, mais qui est, je trouve, un des meilleurs récents, et son segment, le segment de l'hôpital, est exceptionnel. Tu t'en rappelles ou pas ? Pas des masses, je t'avoue. Surtout la façon dont les segments sont liés est très intéressante. Quelqu'un qui amène un cadavre à l'hôpital. Oui, c'est bon, oui. Et qui reçoit un coup de fil. Et l'hôpital est désert. Oui. Et je trouve ce segment incroyable. Il a réalisé The Ritual, qui est un de mes plus gros coups de cœur d'horreur récent, qui commence à dater, mais qui date d'il y a 7 ans. 2017, exactement. Que j'ai redécouvert, d'ailleurs, justement. J'adore ce film. Surtout, je le trouve, mais... particulièrement bien mis en scène. Il a réalisé, alors c'est le seul que j'ai pas vu, The Nighthouse, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, et il a notamment réalisé dernièrement le Hellraiser, que moi j'aime plutôt bien, le Hellraiser 2022. Je sais qu'il divise, mais pas se mentir, vu ce qu'on s'est tapé avant dans la saga, genre moi je le trouve même mieux que le 3 ou le 4, quoi. Donc ouais, par exemple, David Bruckner. Il y a Ti West, alors, qui est la coqueluche des fans d'Elevated Horror. Mais qui a réalisé un film que j'adore, qui est House of the Devil, Cabin Fever 2, que moi j'aime beaucoup, mais bon, on aime ou pas Cabin Fever. Innkeepers. Innkeepers. Il a participé à ABC of Death. Il a réalisé In a Valley of Violence, voilà, j'y arrive, qui pour le coup est un western, qui est pas du tout un film d'horreur. Et dernièrement, il est connu pour avoir réalisé la trilogie coqueluche de TikTok, X, Pearl et Maxine, que j'aime à des degrés divers. Et ensuite, et également, on a Glenn McQuaid qui réalise le segment Tuesday 17th, oui. Qui n'est pas le segment le plus intéressant. On a Joe Swanberg. C'est pas le plus intéressant non plus. Hein. Oui, non. Ty West se démerde très bien à ce niveau-là. On a Joe Swanberg. Alors, j'avoue que j'ai rien vu de ce bonhomme. Je sais qu'il a fait un film que je veux à tout prix voir qui s'appelle Auto-érotique. Oh. Mais bon. Voilà, et dernièrement, il y a également un segment, donc le tout dernier, celui qui va a priori vous intéresser, qui est réalisé par Radio Silence, Matt Bettinelli, Olpin et Tyler Gillett. Et un autre encore, pardon. Alors, Radio Silence, c'est qui, c'est quoi? C'est des gens capables de films très chouettes. Notamment, ils ont participé à Southbound, c'est de leur initiative. Ils ont réalisé Ready or Not, qui est très sympa. Ils ont également réalisé, je crois, VHS 94, je crois qu'il y en a dedans. Et dernièrement, ils ont fait Abigail, mais dès qu'ils s'approchent des franchises faisandées qu'on doit laisser mourir, ça donne Scream 5 et 6. Donc on n'a pas la même présence des films. Oh, non, mais c'est ton côté vicieux, toi. Non, mais j'aime beaucoup Scream 5 et 6. Je déteste le 5, et je sais pas si je déteste plus ou pas le 6, en fait. Genre, c'est à des degrés divers. Alors, donc, VHS... Après, t'es pas beaucoup ton attachement à Scream 1. Oui, voilà. VHS, c'est quoi? Alors... ça suit une ligne narrative qui est nulle, disons-la. Enfin, disons-le, où en fait des gens s'introduisent dans des maisons, et un moment se retrouve dans une maison où il y a plein de cassettes, et ils vont les regarder. C'est ça. En gros, c'est des mecs qui filment, qui se filment en train de faire les immenses merdes. Oui, ça, notamment. Ils s'introduisent dans des maisons, ils tuent des gens, ils font des trucs. Non, non. En fait, ils veulent vendre ce qu'ils filment. C'est-à-dire que la première scène du film, c'est eux qui voient un couple sur un parking et qui vont bloquer le mec et enlever les vêtements de la meuf. Ah, je me rappelais pas de ce détail. Mais pour, ouais, donc c'est des gens charmants. Bah pour vendre des vidéos de meufs à poil. Ouais, donc des gens charmants. Voilà, et donc ils entendent parler d'une maison où il y aurait des VHS qui pourraient vendre. Des trucs de snuff, quoi. Voilà, et ils vont y aller. Voilà, donc on a ce segment-là. On a Amateur Night, où c'est des gens qui vont... draguer une fille, la ramener chez eux, et voilà. Il y a donc Second Honeymoon, alors qui est... Pff, comment je résume cette merde? C'est un couple qui se fait observer la nuit, quoi. Oui. En gros. Tuesday the 17th, qui est une parodie de Vendredi 13, avec un mec invisible. Oui. Voilà. The Sick Thing That Happened to Emily When She Was Younger, où là, pour le coup, je trouve ça hyper chouette. J'aime beaucoup ce segment. En gros, c'est un couple qui fait des FaceTime. Et la fille remarque qu'elle a des ecchymoses sur le corps. Des ecchymoses inexplicables. Voilà. Et 10-31-98, qui est... comment dire? Des jeunes qui vont à une soirée d'Halloween, et ils découvrent quelque chose dans le grenier. Il y a une cérémonie sataniste. Voilà, il y a une cérémonie sataniste avec une femme sur le point de se faire sacrifier. Alors, rapidement sur les autres sketchs, ne mentons pas, c'est pas le meilleur de la saga. C'est... Je vais pas dire que c'est un des pires, vraiment. Enfin, c'est un des moins intéressants, en tout cas. Parce que c'est un des moins désagréables. Je trouve le pire étant de très loin le 3, vraiment. Il y a un truc à retenir quand tu fais un film qui s'appelle VHS. C'est les VHS, accessoirement, parce que pour le coup, le fil rouge du 3 n'a même pas pris la peine d'introduire diégétiquement les VHS. Non, le fil rouge du 3, c'est des appareils en fait qui font des vidéos. Voilà. Mais c'est pas mieux filmé pour autant. Non, c'est pas mieux filmé pour autant. Et surtout, ça juste entrecoupe le fil rouge. Ça, c'est pas introduit. Il y a pas de truc qui dit tiens, à ce moment-là, telle personne qui va regarder ça. Voilà. Mais donc, dans VHS 1, donc rapidement sur les autres segments, the Sick Thing, j'aime beaucoup. Et pour le coup, je pense vraiment pas qu'il faut le spoiler. Ouais, c'est ça, on le spoil pas. Mais si on se concentre sur le segment de Radio Silence, je trouve que c'est de loin un des. Je parle du collectif entier. Un des métrages les plus convaincants qu'ils ont pu faire. Notamment parce que je trouve qu'il y a un sens. Un savoir-faire autour de comment est-ce que tu utilises le format VHS, notamment pour camoufler des effets spéciaux un peu crado, que je trouve super, et je retrouve la chose que j'avais beaucoup aimé dans Wedding Nightmare Enfin, je viens de retrouver le titre français. Dans Abigail, plus dans Wedding Nightmare, qui est vraiment le côté humour très très noir, notamment avec cette mécanique de on croit qu'on s'en est sorti, et en fait, non, pas du tout, tu t'es juste foutu encore plus dans la merde sans le savoir. Pour le coup, moi, ça fonctionne hyper bien sur moi, c'est pour moi, je pense, de loin le tour. En fait, chaque VHS a généralement son segment de merde et son segment incroyable. C'est toujours ça, sauf Viral, qui a que des segments de merde. Alors, dans le 2, si on en parle rapidement, c'est évidemment ce monument qu'est le segment de la secte, qui est un petit modèle, un petit chef-d'œuvre de ce qu'on peut faire format found footage, vraiment, ce qui est réalisé. Ouais. Bah, en même temps, c'est réalisé par Timo Giacinto et Gareth Edwards, donc Et Vance. est-ce qu'il pouvait faire un mauvais film? Voilà. Non. Safe Haven, le segment. Et le segment de merde du 2, c'est très clairement basé de Adam Wingard, comme par Ah, hasard. quelle surprise! Voilà, qui s'appelle Phase 1 Clinical Trials. Même si, je trouve que c'est pas le pire de la saga. Genre, mais tous les segments de merde, il est haut, quoi, Ah, par mais rapport aux autres. le pire segment de VHS 2 est mieux que le pire segment de VHS 1. Et mieux que le meilleur, oui, et mieux que le pire segment de VHS, oui, de très loin, de très très Oui. loin. Ensuite, donc il y a VHS 3. Moi, le segment que je préfère, c'est peut-être celui avec les portails. Celui de Nacho Ouais, en gros, c'est quelqu'un qui découvre qu'un jour dans son appart, il y a un portail qui mène vers une maison qui est exactement la sienne, mais vraiment avec sa femme et tout. Mais il réalise qu'il y a peut-être des trucs qui vont pas, il y a peut-être des trucs un peu bizarres, notamment Voilà. autour de ce qu'on fait des gens. Mais ouais, c'est le meilleur, mais bon. Ouais, c'est Pas ça, dingue quoi. on Et parle d'un alors, film où le fil rouge est nul, où le premier sketch donc donc de Jack Bishop, celui du magicien, du musicien, je trouve vraiment nul pour le bah coup. le pire, moi, c'est vraiment les skaters, ou en fait c'est juste des skaters qui tombent sur des squelettes, Au Mexique. et voilà. Et la Ouais. photo est moche, c'est très très mal mis en scène. En plus, c'est fait par Benson et Moret, dont on avait parlé il y a longtemps Dans dans l'épisode l'épisode. Body Ouais. Horror, qui sont des réels que j'aime vraiment beaucoup. Et là, ils font de loin le pire. Et alors Alors après, pour le coup, je trouve que, à la limite, l'idée des GoPros centrés sur les gueules, oui, à la limite. c'est une bonne idée, mais après. Et pour le coup, les espèces de zombies squelettes Ils mexicains sont là, moches, hein. ils sont moches, mais moi j'ai un peu de sympathie pour eux. Oh. Et après, donc, on skip et on arrive à VHS 94, qui a en tour de force. Alors, qui, je pense, un de mes préférés de la saga VHS Je n'ai pas vu, je 94. t'avoue, sur la deuxième vague, j'ai vu que le 85. Alors, tu pourras parler sur. Parce que j'avoue que On 80. a parlé vite fait dans le bilan l'année dernière Donc déjà, ça mais. passe alors. Donc allez voir le bilan pour avoir un avis plus détaillé dessus. Alors dans 94, tous les segments sont bons. Donc déjà ça c'est super. Et il y a un segment monumental réalisé évidemment par Timo Giacinto, je l'aime, je l'adore, qui est une adaptation de Doom, qui est incroyable, qui est gorissime en plus d'être hyper inventive, hyper fun. C'est absolument monumental, et vraiment VHS 94 vaut le coup juste pour ce segment-là. Et vraiment, et pour le coup, alors dans mes souvenirs, le fil rouge est pas mal. Et dans mes souvenirs, les autres segments, il y a un segment dans les égouts avec une super bestiole à la fin. Il y a un segment dans une morgue, enfin dans une morgue, dans un truc, tu sais, quand tu laisses les cercueils pour la nuit, Oui, qui est vraiment oui, flippant wow. dans mes souvenirs. Et t'as un segment, c'est quoi le dernier? Je l'oublie, avec des voix. Alors non, je peux pas spoiler. Mais il y a un segment qui est très surprenant à la Donc, fin, en plus d'être assez gorasse aussi. à la réelle, t'as Jennifer Reeder, Ryan Prowse, Steven Kostanski, Simon Barrett, Chloé Okuno et Timo Giacinto. Alors je saurais plus dire celui qui a fait Kostanski, mais je serais pas surpris que ce soit le dernier. Mais à confirmer, je ne veux pas trop m'avancer. Chloé Okuno, je suis à peu près sûr qu'elle a fait le premier avec la bestiole. Ok. Je ne veux pas dire ce que c'est parce que. Ratma. Ratma la bestiole. All hail Ratma. Je vraiment voyais 94, c'est vraiment très très chouette surprise. Et alors? Et 85, c'était celui avec To Hell and Back. Oui, avec Derrickson. Qui était Oui. monstre. To Hell and Back, c'était réalisé par les frères, par les Winters. Ah non, bah non, c'est pas lui, non, c'est pas C'est pas lui. lui, c'est le 99 du coup. Je Ce crois, serait le oui. 90. Oui, bah, qui est de loin le meilleur segment du Parce que 99. sur le 85, à part Derrickson, attends, Il il y a qui n'y déjà? avait pas cette fraude qui est Flying Lotus? Ah non, il y avait Mike C'était 90. Pinnerson, Attends, il y j'ai a plus Dave fou. Bruckner, il y a Gigi Sol Guerrero et Natasha Carmani. Mais ouais, vraiment, vous voyez VHS, c'est très très très intéressant. Ouais, alors il y a eu une espèce de pseudo-parodie qui s'appelle VHS, Ah yes. qui est sortie en 2019. Il y a une série Snapchat sur VHS. C'est pas une blague. Oui, Je crois que ça s'appelle c'est. Tale from Darkness, mes couilles. C'est vraiment. Titre inventif.jpg. Voilà, c'est ça. Mais donc, pour recentrer un peu Sur celui qui a lancé la saga. sur VHS 1. Dernier truc, les affiches sont souvent mortelles. Oui. Sauf le 3. C'est comme par hasard. Dis donc. Comme tu m'avais appris cette situation, l'habit ne fait pas le moine, mais... L'habit ne fait pas le moine, mais il aide à deviner l'église. Voilà. Elle est de moi, vous pouvez me citer. Et donc, bah, je trouve que, effectivement, le segment de Radio Silence est un des meilleurs, pas le meilleur. Pour moi, mon préféré, ce serait... The Sick Thing? Non, même pas. Ce serait premier, ce serait celui de Bruckner. Celui de Bruckner, donc Siren qui est vraiment chouette aussi, et qui en plus, surtout particulièrement, un timing du suspense que je trouve très efficace. Ouais, mais qui surtout m'avait énormément marqué à l'époque, j'avais découvert le film sur YouTube à l'époque, je devais avoir 13 ou 14 ans. Ah oui, et bah ça joue, oui, d'autant plus que le... Bah, on la spoil, gueule, spoil. Voilà. Bah c'est une vampire, c'est une espèce de vampire. Une espèce de créature. C'est une succube. Une espèce de vampire sirène chat. Une succube, c'est oui. Ça. Voilà. Et bah, en fait, surtout, c'est que tu le sais que dans la dernière minute, dans les deux dernières minutes, si tu dis pas de bêtises. Ouais. C'est vraiment, il te tient le suspense très très très longtemps. Et évidemment, ouais, alors, si vous avez traîné sur YouTube à cette époque-là, vous connaissez la gueule de la créature. Ouais, les grands yeux, le front. Bah, l'espèce de visage déchiré un peu. Voilà. Et yeah. il est bien le spin-off parce que je l'ai pas vu. Il est assez mid. Bah, c'est la réputation qu'il a. Hein, ah ouais. Alors, les spin-off de VHS, il y a ça, il y a Kids vs Aliens. Ouais. Qui lui, pour le coup, a plutôt bonne réputation. Ouais, alors il y avait des projets d'eux, mais ça s'est jamais fait. Faites un film sur la secte. Enfin, quoi que, si on veut un film sur la secte, ça existe, ça s'appelle Le Bon Apôtre. Alors, moins vénère, mais ça existe. Ou Impetigore. Oui, Impetigore, oui, j'y avais pas pensé, effectivement. Mais surtout, VHS est la preuve qu'un found footage peut être extrêmement gore. Voilà, c'est... Enfin, VHS 2, du coup, et les autres après. Mais voilà, parce que c'est souvent deux qualificatifs qui sont souvent dissociés, mais pas du tout. Bah, même le segment Tuesday 17, il est... Alors, j'avoue que celui-là, c'est celui dont je me rappelle le moins à chaque fois. Mais... Moi, je t'avoue que c'est le Ty West. Oui, alors non, mais le Ty West, il est insignifiant, quoi. C'est... Hey, comme quoi, peut-être que Ty West n'est peut-être pas si incroyable que ça. C'est une théorie que j'ai, que je défends. Je sais que je suis un des seuls sur Terre à ne pas avoir trop aimé Maxine. Donc, sait-on jamais. Pour moi, c'est simple, le segment de Ty West sur VHS 1, c'est le segment de Andrew Trocchi dans Embassy of Death. Oh mon dieu, oh, je l'ai, j'ai pour gravité. Ouais. Le segment où... Ah, avec un mec qui part. C'est trop drôle. Le segment du surf et qui se met. Et il coule. Voilà, c'est... Ah, putain, la référence, elle est obscure, mais je l'ai. Embassy of Death, putain, c'est... Sur le papier, incroyable. Dans les faits... Eh. En fait, c'est trop long pour ce que c'est, mais... Mais ça va y aller deux. Ouais, mais quand tu files ça à des gens compétents, L pour libido, bah, Giacinto, ouais, comme quoi, toujours dans les bons ouais. coups. Et X pour XXL, Xavier Jeance. Oui. Bah, ah, tu te retrouves avec des trucs très très chouettes, hein. Mais je crois qu'ils durent plus de 2 heures les deux, en plus. Ils durent, en même temps, 26 segments. Attends, je te rappelle que très bientôt, on va devoir parler d'un truc qui en a 24. Hein. Et qui dure, je crois, 2h30. Ho, ho, ho. Voilà, film de Noël, 24 segments, 2h30. C'est pas dur à trouver, mais voilà. Et vous voyez le casting des réels aussi, ça, c'est... Il y a du... À boire et à manger. Surtout, ouais, à boire et à manger, mais... Surtout avoir pour tu oublier. Bois de la pisse, tu bouffes de la merde, hein, c'est... Vas-y. Mais donc, ouais, globalement, VHS 1, c'est une très honnête proposition de fan footage illégal, mais pour le coup... Comme tous les films à sketch. Comme tous les films à sketch avec des réels différents. Mais pour le coup, celui-là a pas de segment que je considère vraiment mauvais. Ty West est insignifiant, comme j'ai dit. Mais bon, autant je peux m'énerver sur un film insignifiant comme Joker 2 qui coûte 200 millions. Mais un film insignifiant dans un film à sketch réalisé par un Ty West qui, à ce moment-là, sort de Innkeepers. Il a fait House of the Devil et Innkeepers. À ce moment-là, c'est tout, je crois. Ouais, bah surtout ce qui est marquant, je trouve, avec VHS. C'est que c'est vraiment un laboratoire à expérience. C'est que t'as plein de jeunes réals qui vont passer par là, enfin, de jeunes réals ou de réals confirmés, mais ça reste extrêmement stimulant comme exercice. Et même Scott Derrickson, qui est loin d'être un réal que j'aime beaucoup, parce que, à nouveau, on aime tous les deux Sinister d'amour, mais à part Sinister. Et Cabin Fever 2, il y avait Ty West. Oui, Cabin Fever 2, mais. Scott Derrickson, enfin, Ty West a fait Cabin Fever 2, oui. Scott Derrickson. Mais à part. Sinister, moi il n'y a aucun autre film de Derrickson où je tombe en émoi, j'aime plutôt bien Black Phone. Et comment ça s'appelle le court-métrage qu'il avait fait? Shadowcrawler. Voilà, celui-là je ne l'ai pas vu, mais on m'en dit beaucoup de bien. Qui est très bien, qui est dans les bonus du Blu-ray. Dans les bonus du Blu-ray UK et je crois dans les bonus du Blu-ray français de Black Phone. Ouais, mais donc c'est pas un réalisateur que j'adore, notamment parce que son côté bon dieu zard a tendance à me casser le système pour rester très poli. Mais dans son segment qu'il a fait pour VHS, bah, il est vraiment bien. Et je trouve que là, c'est un vrai exercice de style qui peut être à la fois extrêmement satisfaisant, voire carrément une épiphanie. À nouveau, le segment de la secte, moi je trouve que c'est dans ce que Giacinto a pu faire de mieux, en fait. Avec une fin monumentale. La fin du segment de la secte... Ouais. Ouais. En parlant de fin, le segment, justement, incriminé, le segment de The Silence, mm-hmm. a une fin alternative. Ah ouais, je sais, non. Parce oui, que moi, alors, je connais la fin avec le train. C'est ça. Et ben, il a une fin positive. Bah non, du coup. Où ils arrivent à sortir de la voiture avant que le train arrive. Bon, c'est pas très intéressant, ça. Non, mais c'est pour ça qu'il y a l'alternative. Non, et vraiment, pour finir sur ce segment, une chose que je peux donner à des gens qui ne connaîtraient pas VHS et qui voudraient le découvrir, même si les autres segments sont mid, à nouveau, je tiens à mettre en avant à quel point la saga VHS est diverse. C'est qu'au sein d'un même film, vous pouvez avoir des vraies grosses purges et des trucs super. Et là, le fait de le mettre à la fin, je me demande si c'est pas volontaire, personnellement. Je me demande si c'est... Ils étaient pas conscients de ce qu'ils avaient sous la main. Il y a... Peut-être, peut-être. Et donc, est-ce qu'il y a des éditions... Alors, je crois pas qu'il y ait d'édition française à VHS. J'ai jamais vu ce film en France. Alors, il a une VF, pour le coup, VHS. Ouais, pour des raisons que... je crois qu'il est peut-être passé sur Canal ou un truc comme ça. Peut-être. Alors, VHS 2... j'en ai pas trouvé de VF en tout cas. Non, il y en a pas. Le 3 en a une, mais il y a rien de question québécoise. Bah, à nouveau, les 3, enfin tous les VHS, sauf du coup, bah, 4, sauf sur des plateformes, mais des plateformes comme Shadows, donc qui n'ont pas de doublage, à ma connaissance, n'ont jamais été sortis en France. Oui, c'est ça. Par des moyens légaux, j'entends évidemment. Il doit y avoir des DVD français de VHS à la limite. T'es sûr? Je suis vraiment pas sûr. Parce que. Et là, je fais appel à notre vécu. On en aurait vu en cache. Non, c'est vrai. On en aurait vu en cache. Et alors, je sais qu'il y a un coffret Blu-ray. Avec les 3, je crois. Avec VHS 1, 2 et 3, ouais. Un coffret allemand, je crois. C'est pour ça aussi que mon rip de VHS Viral avait des cartons de texte allemands. Mm-hmm. Des synthés allemands. Mais on fera probablement un épisode VHS un jour parce que c'est vraiment une des sagas modernes les plus intéressantes à suivre, je trouve. Même si Viral a tué la saga pendant 7 ans, hein, ça c'est... Bah, ça nous permettra de dunker sur Viral, là. Oui. Mais donc, bah, y a moult éditions ricaines, britanniques, tout ça. Bah, en fait, étant donné que c'est produit par Bloody Disgusting, il profite d'une certaine renommée. D'une certaine renommée et d'une com qui est déjà toute faite. Donc là-dessus, ça peut lui permettre d'avoir ce statut, pas culte, mais ce statut, on va dire, de bénéficier d'une certaine facilité de bouche à oreille. Je confirme, c'est bien allemand, du coup, l'origine du coffret avec VHS 1, 2 et Viral. Et on passe au dernier film. Alors, Citrouille et bonbons sur... Ah, juste VHS, sur le segment. Juste sur le segment... Parce que sur le film, c'est... Oui, mais sur le segment global, ben, pas grand-chose, hein, à part le fait que ça se passe à Halloween. 5. Ben, ils sont pas déguisés, y a pas de citrouille. Y a une cérémonie satanique. 3. Oui, mais c'est pas exclusif à Halloween. Là, ça, tu mets combien par rapport à Trick or Treat? Qui est Trick or Treat? Bah, Trick or Treat, cet épisode. Le pas bon. Alors, on avait mis 3 à Trick or Treat. 3 à Trick or Treat, j'ai le barré. Ouais, je mets la même, hein. Allez, 3 à VHS, ça part. Et donc, on arrive à 31, qui sera peut-être, qui sort lui, qui s'en sort avec la meilleure note, peut-être. Alors, 31 de Rob Zombie, alors c'est sorti en 2016. Alors, ça a été fait dans un contexte extrêmement particulier, parce que voilà, j'avais parlé de mon chouchou Rob Zombie. Chanteur d'un groupe de un excellent groupe de métal, alors qui est un peu vieilli mais qui est quand même super. Alors je vous renvoie vers l'épisode qu'on avait fait parce que la carrière de Rob Zombie c'est quoi, c'est il démarre très fort avec La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject qui sont deux chefs-d'œuvre, surtout The Devil's Reject, surtout, oui, voilà. Il enchaîne à ce moment-là il faisait partie de ce qu'on appelait le Splat Pack à l'époque. Il y avait Greg McLean, il y avait Lee Whannell et James Wan suite à Saw, enfin c'est tous ceux qui avaient fait un film, Eli Roth dedans, Greg McLean donc pour Wolf Creek, et suite à ça il enchaîne avec ces deux merveilleux, je répète, merveilleux Halloween, notamment en Director's Cut, et après ça il a pris un peu tout le monde de court parce que 3 ans après son Halloween 2 qui avait déjà pas mal divisé, a raison, je sais qu'on était globalement d'accord sur le fait que c'est absolument... Enfin, moi, je trouve que j'adore ce film, mais sur le fait qu'Halloween 2, c'est très bien. Et en tout cas, que c'est... C'est audacieux. C'est audacieux. Un des slashers les plus sous-estimés de très loin, audacieux, surtout en Director's Cut. Oui. 3 ans plus tard, il fait ce que je considère être un de ses meilleurs films, mais je sais que je suis un peu tout seul sur cette colline, qui est Lords of Salem, qui est un film... Que je vais donc revoir, je pense. Qui est qui est à la fois complètement bâtard et en même temps est vraiment fascinant parce que tu passes d'un film qui s'inspire vraiment du côté redneck, white trash, ultra gore, à un film qui s'inspire de l'horreur européenne et de Polanski. Tu fais waouh, grand écart. Mais bon, suite à ça, il a eu pas mal de mal à monter ses projets suivants. Et c'est pas peu dire. Bon, je vous invite à aller sa page Wikipédia sur le côté projet non abouti, c'est tout un poème. Mais bref, en 2016, il lance un crowdfunding pour son prochain film avec juste une affiche sur laquelle il est marqué 31, Rob Zombie Film, et une tête de clown ensanglantée. Et. Enfin, un masque de clown ensanglanté. Le crowdfunding marche, et donc le film va se faire. Et. Alors. Qui est-ce qu'il y a derrière ? Donc, il y a Rob Zombie qui est à la prod, à la réalisation et au scénario. À la photo, on a David Daniels qui est... Alors, comment défendre ça ? Bah, il a fait la photo du film suivant, Rob Zombie. Voilà. Ah ! Three From Hell, alors que je suis vraiment tout seul à défendre sur ce truc-là. Alors, c'est pas au niveau des deux premiers, mais ça passe. Voilà, ça passe. Il a fait la photo... Ça passe... Oh, ça va, Three From Hell. Si ça passe, c'est de justesse, hein. Oui, ça passe de justesse, mais au moins... J'ai dit si ça passe. Oui, mais au moins, c'est plus intéressant que ce qu'il pouvait se faire à l'époque. En termes moyens, genre, c'est moyen en plus. En 2019... Non, c'est pas aussi horrible que ce qu'on peut en dire, c'est ce que je veux dire. C'est que tout le monde dit, genre, c'est le pire film de tous les temps. C'est pas bien, mais ça va. Alors, jusqu'à ce que je prépare cette vidéo, je pensais que c'était le pire Rob Zombie. Oh. Et Après, il n'a pas fait tant que ça de film. Revois Lords of Salem. Non, c'est incroyable ça. Non, pardon, je m'exprime mal. Ouais, c'est, ok, c'est peut-être son moins bon, mais après, moi, je suis fan du style. Donc, il a aussi fait la photo du film Teen Wolf, réalisé par ce fossile qui est Russell Mulcahy. Il a fait la photo de Leprechaun Back to the Hood. On en parle. Voilà. Et sinon, alors, il n'y a vraiment pas grand-chose de marquant sur la fiche technique. C'est vraiment un film qui s'est fait dans son coin. Au casting, on a la sculpturale éternelle chez Reboot Zombie. Que serait Rob Zombie sans sa femme ? Non, que serait sa femme, que serait sa femme sans zombie ? Il y a Richard Brake dans, et là j'ai pas peur de le dire, peut-être un de ses meilleurs rôles. Il y a Malcolm McDowell qui fait un petit. Qui fait un rôle. Y a, bref, je vais pas faire toute l'affiche. En fait, Rob Zombie est toujours entouré des mêmes mecs. Là, il y a Patsy Daigle, on peut dire. Il y a Patsy Daigle, c'est vrai. Et il y a pas Bill Mosley. Oui, et alors le problème du coup, c'est de la carrière de Rob Zombie, c'est qu'après ça, bah, il va faire deux films. Donc il va faire Three From Hell, qui est la suite tardive à Devil's Reject. Qui avait une fin parfaite. Oui, voilà. Et le problème de Three From Hell, c'est que c'est la suite de Devil's Reject. En fait, c'est le gros problème. Moi, je le trouve pas si mal, parce que je trouve qu'il a un côté crépusculaire qui me touche pas mal. Maintenant, c'est un film qui s'est fait dans la douleur. Ça se voit, ça se sent, ne serait-ce qu'avec le personnage de Sidegg. Donc, voilà. Et après ça, il a fait Monsters, qui est une adaptation d'une série télé ou d'un comics. Une série télé. C'est plus ou moins la série la famille Addams fauchée. Alors moi, j'avais trouvé le film vraiment pas très intéressant, en fait. Genre, je le déteste pas, mais... Je me demande si je préfère pas Monsters à 31. Oh non, je peux pas te laisser dire ça. Hey, 31, c'est... Enfin, Monsters à 31 ? Ouais. T'es dur. Alors... 31, c'est quoi ? C'est des jeunes qui... Oh, j'ai l'impression que le pitch revient. C'est des jeunes qui se font kidnapper le soir d'Halloween, se font embarquer chez des riches... Ils sont pas tous si jeunes que ça, hein. Ouais, ils sont censés être jeunes. des jeunes de slasher. Chez Raymond Zombie en 2016, avec quel âge ? Ne vérifie pas, s'il te plaît, ne vérifie pas. C'était la daronne de Michael Myers 9 ans avant, hein. Ne vérifie pas, s'il te plaît, ça va être extrêmement douloureux. Et ils se font kidnapper par des bourgeois de merde et qu'ils font une partie de 31. En gros, le but, c'est de survivre 12 heures, sinon en étant poursuivi par des psychopathes. Elle avait quel âge ? Elle avait 46 ans en 2016. 45 ans de tournage, on va dire. Oh, ça va, 25 ans à l'écran. et bref. Alors, 31, c'est quoi ? Je vais outer tout de suite. C'est un film vraiment dans l'indépendance. Alors, d'un côté, c'est son meilleur point, parce que du coup, Rob Zombie n'a plus de limite. De l'autre côté, c'est aussi son pire point, parce qu'il n'a plus de limite. Alors, les dialogues sont parmi les pires qu'il ait jamais écrits. Ouais. Vraiment, c'est un... Mais du coup, c'est un peu fascinant, je dois admettre. Alors, j'ai pas osé le voir en VF. Hein. Je sais pas s'il en a une, j'ai vraiment... Ah, bah, je l'ai vu en VF. Hein. Ah, j'ai pas osé le voir. J'avoue, déjà, la VO, c'était croustillant. Je me suis dit que la VF, elle devait être encore pire. Le montage est... Parfois dégueulasse, parfois correct. Et je vais revenir sur ce correct après. Et les décors, ça alterne entre le magnifique et l'horrible. Mais, quelque part, je pense très sincèrement que c'est ce côté extrêmement bordélique qui est nécessaire. Un peu à la manière d'un Beetlejuice 2, quelque part, parce que Beetlejuice 2 a des thunes. Y a besoin de ce bordel narratif pour permettre une certaine éclosion, on va dire, des qualités du film. Et pour moi, t'as En fait, c'est pas le meilleur de Rob Zombie, loin de là, mais c'est un film de son auteur, et j'ai dit auteur haïtien, parce que il y a toutes ses qualités et ses défauts dans ce J'ai film-là. entendu haïtien en une seconde. Ah non, non, non, non, non. Parce que, c'est-à-dire que, par exemple, les décors. Les décors et Rob Zombie, ça peut être, ça peut être Halloween 1 et 2, on va dire que c'est des décors ternes, pour dire ça poliment. Le 2 est un peu plus foufou. Ou ça peut être La Maison des Mille Morts, où là, c'est flamboyant, pour dire le moins. Et en Brave fait, Dodin. voilà, et là, dans 31, t'as des plans qui sont expédiés, mais dégueulasses. Genre, il y a des moments de gestion du temps et de l'espace qui feraient péter un câble à n'importe qui. Genre, il y a un moment, c'est 9h, 30 minutes plus tard. Ok. Donc ça, c'est vraiment expédié par-dessus la jambe. Mais à côté de ça, il y a régulièrement des décors qui sont magnifiques. Je pense au décor principal avec les espèces de sièges des bourgeois. Il y a tout le décor où il y a une espèce de salle à manger au milieu. Le décor dans le cirque avec les clowns. Il y a vraiment plusieurs moments que je trouve non seulement marquants, mais surtout percutants. Rob Zombie et la violence, ça a toujours été un long poème d'amour. Là, pour le coup, c'est de loin des points que je peux donner au film, c'est que c'est vraiment bourrin. Ça oui, ça je te Et l'accorde. notamment dans une scène d'intro qui est, je pense, une des meilleures qu'il ait jamais filmée de sa carrière. Je trouve la scène d'intro brillantissime, avec un Richard Brake absolument possédé qui me fait peur. Et alors, Richard Brake, alors c'est quoi? Si vous imaginez un psychopathe, globalement, ça correspond à lui. Il a vraiment une tête, c'est pas possible, quoi, mais enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un de ses meilleurs rôles. Et en même temps, et ce qui me fait me dire qu'il y a tout l'univers zombie derrière, c'est qu'il va aller jusqu'à la fin à confronter, je vais pas dire de façon quasi biblique, mais presque, quasiment les deux figures matricielles de son cinéma, Sidegg étant mis à part, à savoir Richard Brake et Cherry Moon Zombie. Et voilà, enfin 31, c'est pas un film parfait, mais c'est un film qui va brasser tellement d'influences, tellement d'univers de son auteur, que moi c'est un film qui, pas me fascine, ce serait un peu exagéré, je vais pas dire que je le revois tous les ans non plus, mais qui. C'est presque la caisse à outils Rob Zombie. C'est que t'as de la nazi-exploitation, t'as des clowns avec des tronçonneuses, t'as le gore vraiment crado, t'as le white trash, t'as l'impression que personne s'est lavé depuis 3 semaines, t'as les routiers libidineux, parce que qui n'est pas libidineux quand t'es routier dans un film de Rob Zombie? T'as Richard Brake, t'as Cherry Moon Zombie, t'as la musique rock, parfois. Genre le film se termine sur Dream On, dans un plan. Pourquoi pas? Oui. Oui. Alors moi, la musique que j'adore, donc j'étais content de l'entendre. Là, mais t'as évidemment California Dreamin' un moment, parce que t'es chez Rob Zombie. Avec les personnages qui chantent California California Dreamin'. Dreamin'. Bah, et voilà, c'est un film fait dans la douleur, c'est un cinéaste qui est habitué à ça. Mais c'est pour moi un film, je pense, important pour comprendre le personnage Rob Zombie. Ok, alors, je pense que... Ah, j'avais dit que je le Je pense que mon indifférence défendrais, assez généralisée sur ce film fait que aussi je suis pas autant attaché à la personne Rob Zombie que toi, au personnage Rob Zombie que toi. celui-là. Ouais, je pense que je suis plus attaché au personnage qu'au film. Mais je pense qu'également, pour te rejoindre, on va dire, sur le côté cinéma, parce que je sais que je pense plus friand de sa musique que toi, ça reste quelqu'un de suffisamment original et étranger au système de production actuel pour que j'ai envie de voir ses films. C'est que si demain il annonce un film, bah j'aurai quand même envie de le voir parce que je sais que ça va détonner. Et tu sais, enfin, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un film de Rob Zombie qu'un autre film de Rob Zombie. Éventuellement, on pourrait revenir à ses inspirations, nazi-exploitation, etc. Mais cette espèce d'ADN, c'est quoi? C'est entre tradition et modernité. Voilà, Le Japon. moi j'avoue que je le vois pas dans beaucoup d'autres films. Pour le coup, je te rejoins un peu là-dessus. Après, pour ce qui est du reste, bah, donc, c'est un jeu de massacre avec des personnages dont j'en ai rien à Ah foutre. oui, non, mais oui, Rob Zombie, ça a jamais été un scénariste de génie. Hein, Oui, sauf en fait, c'est que. quelqu'un qui a des idées, mais qui a du mal à les mettre en, qui a des mal à les mettre en image. Sauf que du coup, vu que j'en ai rien à foutre de ces personnages, j'en ai rien à foutre de quand ils meurent, j'en ai rien à foutre de. Enfin, je suis pas du tout attaché à eux. Alors pour le coup, oui, c'est trash, je te l'accorde beaucoup, c'est bien trash, oui. Niveau mise en scène, c'est. Si t'enlèves le gore, c'est pas mauvais, mais Bah en c'est fait, nouveau, fonctionnel. non, bah en fait, c'est différent, c'est que, bah nouveau, toute la séquence où il filme l'espèce de cirque des clowns, moi je trouve ça vraiment bien fait, avec une DA qui est maîtrisée, une DA qui est inspirée, mais c'est ça, bah c'est pareil en fait, la mise en scène, c'est comme la DA, c'est que ça va alterner entre le abominable et le étonnamment inspiré. Ok, je vois ce que tu veux dire, mais pour le coup, vraiment, j'avais pas grand-chose à faire de celui-là, et franchement, je pense que je préfère Monsters. T'es dur, genre. Monsters, moi, quand je l'avais vu, je m'étais attendu au. Enfin, en fait, Monsters, je retrouve pas le Rob Zombie. C'est ça, c'est pas un film de Rob Zombie. C'est une espèce de copie de Famille Addams, cheap, limite. Je suis limite tenté de te dire que c'est fait pour Netflix. En fait, genre, en fait, même la photo de Monsters, en fait, elle a un côté, ouais, télé, vidéo, que je trouve abominable. Que Mais c'est... pour le La coup, photo de 31, moi, elle a de la personnalité. La photo de 31, elle me parle. la poussière, c'est pas une personnalité. Ah non, mais si, si, si, si, si, non. Non, non, ce que je veux dire, c'est que. Rob Zombie, c'est film Être sale, c'est pas forcément politique. Mais visuellement, Rob Zombie, il y a toujours une patte. Une patte qu'on aime ou Mais non, pas, mais il y a toujours je une patte. taquine, je taquine. Ah, mais t'es dur de. Oh, préférer Monster, j'aurais tout entendu, quoi. Ah, oh, mon Dieu. Genre, pour moi, Monster, c'est de loin son film que j'aime le moins, mais parce que c'est pas le sien. Enfin, j'ai vraiment pas l'impression que c'est le sien. Ah, c'est pas un Rob Zombie, mais Genre, pour le coup, il y a son nom en dessous. est-ce que ça en fait quelque chose de mauvais pour autant? Ah, ça en fait quelque chose Peut-être. d'impersonnel. Ce qui, pour moi, mais pire que tout. Vraiment, de vendre ton cul comme ça, horrible. Bah en fait, ce serait un peu l'équivalent d'Aquaman chez James Wan, quoi. C'est ok, ça surnage par rapport à d'autres trucs du style, mais à côté, est-ce que demain, genre là, je te dis, ouais, vas-y, est-ce que t'as envie de défendre Aquaman? Aquaman Non. 1, oui. Non, mais oh, ok, Aquaman 2, si tu veux, genre. Aquaman 2, non. Mais ça, c'est le côté se vendre, je sais pas, moi, je déteste cette démarche-là, et ça fait que, du coup, j'ai un grief supplémentaire contre le film. Mais alors, Et pour on le retrouve coup, chez Raymond Zombie dedans. Important. oui. Mais en fait, mon gros problème avec Monsters, c'est Slashers. C'est pas incroyable, Slashers. Avec 31, tu veux dire? Pas avec, t'as dit avec Monsters. Oui, pardon, avec 31, oui. Ah, je préfère 31. Mais pour le coup, je préfère Slashers. Alors, Ah, peut-être que je suis Slash. attaché à Slashers Oui, genre, d'une façon tu as. qui dépasse l'entendement, mais en Oui, fait. tu as un vécu avec ce Ouais, film, tu as une histoire. qui dépasse la compréhension. Mais. Slashers, c'est un jeu de massacre avec aussi une pseudo-critique sociale, parce que bon, la critique sociale dans 31. Ah oui, non, mais c'est un zombie, hein, c'est du white trash, hein, c'est très programmatique. Voilà. Et avec des tueurs qui vont arriver, qui vont s'enchaîner, tout ça. Sauf que, bah, alors, c'est Slashers en moins drôle et en plus sale gosse. Ouais, bah juste, alors, Slasher, moi je le trouve pas drôle de base. Moi aussi, Slasher, pour le je le coup. trouve terrible en cringe. Ah putain, quand ils font leur vanne. Oui, mais Ah! justement, le cringe, il est fait exprès. Ah ouais, bah, encore heureux, déjà tu me rassures sur un point. En fait, moi, Slasher. Ouais, pour moi, Slasher. Ouais, ça, je préfère le côté sale gosse de 31. Parce que, bah, ouais, parce que c'est Rob Zombie, en fait. Oui, mais enfin, oui, mais pour le coup, si t'es pas attaché à Rob Zombie, bah. C'est-à-dire que bah, le mec, il va te foutre des nazis parce qu'il a envie. Bah, parce que c'est pas, pour le coup, ça fait vraiment partie de son univers et de ses inspirations. C'est quelqu'un qui aime le cinéma d'exploitation. Preuve en est, le court-métrage qu'il avait fait pour Grindhouse. Grindhouse, Werewolf Women of the Werewolf SS. Women of the SS. Alors, preuve en est que Grindhouse n'a pas été qu'une bonne idée. Ça marche en format 1 minute 30. Il a mis sur sa chaîne YouTube perso un format long, je crois qu'il dure 3-4 minutes. Ça marche plus du tout. Ça devient insupportable. Et pour le coup, c'est quelqu'un qui est très inspiré par ce cinéma d'exploitation-là et qui, du coup, là, le recrache. De façon plus ou moins maîtrisée, mais par exemple, tu as les clowns avec les tronçonneuses, pourquoi pas, vas-y, je prends. Oui, je Et pense pareil que. pour l'espèce de petit nasillon, Oui, je pense que j'ai peut-être besoin d'un deuxième visionnage pour 31. là. Bah, en fait, 31, je peux pas nier qu'il y a effectivement le côté attachement au personnage Rob Zombie, mais je maintiens que c'est pas si médiocre que ce qu'on peut en dire, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu peux, enfin, quand tu sais appréhender l'univers de Rob Zombie. On va dire je veux pas le faire passer pour un plus grand auteur qu'il n'est, évidemment. Mais ses obsessions, ses affections et surtout ses inspirations, bah tu comprends. En fait, tu remets les pièces du puzzle entre elles, tu fais ah bah oui, tout est là en fait. Mais quand même vous ne le voyez pas, vous voyez au moins la scène d'intro, qui est incroyable. Vraiment, c'est très très grand moment d'honneur à la scène d'intro. Et ouais, je vois tout ce que tu veux dire sur le côté espèce de synthèse de Rob Zombie. De boîte à outils. Parce que comme ça, t'as plus le côté bordel. Parce que synthèse, c'est organisé. Là, ça l'est pas. Coffre à jouer. Coffre. Oui, exactement. Coffre à jouer. Le coffre à jouer Rob Zombie. Mais à ce moment-là, essaye pas de créer des scènes d'émotion avec tes personnages. Ah oui, non, non, non. Ça, par contre, c'est impardonnable. Ça, Voilà, mais c'est. en fait c'est. Après, au moins, le film a le bon goût de faire 1h30 et quelques. Donc. Mais je vois ce qu'il veut dire, je vois. Il dure 1h40, je crois, pardon. Je vois toutes les inspirations, mais juste à ce moment-là, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas en essayant de faire des scènes émotions, des scènes Oui. d'avoir des personnes pseudo-développées. Fais du bourrin, va dans le trash direct, Rob. On Ah mais n'attend pas autre chose de toi. c'est sûr, mais surtout en fait ce qui m'intrigue avec lui, c'est que je commence à me demander si son cinéma n'appartient peut-être pas à une autre époque, j'espère pas, mais peut-être. Parce que bah, c'est quelqu'un qui sait faire de l'émotion. On l'a vu avec Devil's Reject, on l'a vu avec même Halloween. Et alors, pour moi, il y a une vraie émotion qui se dégage de Lords of Salem, mais qui est méta, parce qu'en fait, c'est vraiment une énorme déclaration d'amour à sa femme. Et... Ah bah, comme Beetlejuice 2, dire. Ouais, trop bien, trop bien. J'avais vu des gens sur les réseaux dire... moi aussi, type, si je sortais avec Monica Bellucci, je lui... Même si elle sert à rien, je lui fais un rôle dans mon film pour dire à quel point elle est bonne. Ouais, mais pour le coup, là, dans, bah, dans Lords of Salem, je trouve qu'il y a une vraie délicatesse, aussi, qui se dégage du film. Jusqu'à un plan final absolument merveilleux. Mais voilà, et c'est quelqu'un qui sait faire ça, et du coup, là, j'avoue, je ne comprends pas pourquoi il veut faire ça. Parce que dans Three From Hell, dans mes souvenirs, il veut pas. Genre, il en fait au début, sur Suicide, mais il en fait pas trop. Il y a le côté un peu Wild Ride, un peu débile. Et alors dans Monsters, bah, la seule émotion, c'est mes larmes. Donc non, mais c'est peut-être que son cinéma appartient à une autre époque, qu'il faut que je me fasse à l'idée. Parce que même ses derniers albums sont loin d'être. D'être percutants. On va dire, percutant. Alors que pourtant, à nouveau, ces deux premiers étaient vraiment d'authentiques merveilles. Sur les éditions physiques de 31... Il a un Blu-ray français. Il a un Blu-ray français, donc... Ça se trouve facilement. Voilà. Alors, Citrouille est bon dans sur 31. Et il était... je me rappelle qu'il était dans le MAD du mois où il est sorti en physique. Effectivement. Alors, ouais, depuis Lords of Salem, Lord of Rob Zombie en France, c'est pas le bienvenu. Parce que Lords of Salem, je suis pas sûr qu'il ait eu de sortie sale. Je crois qu'il en a une. Enfin, s'il en a une, elle devait être limitée, mais je suis pas sûr qu'il en ait une. 31 n'en a pas eu, c'est sûr. Ouais, 31 direct en physique. Three From Hell direct en physique, et Monsters n'est même pas sorti en France. Ouais, et d'ailleurs, Three From Hell, il a eu du temps avant de sortir en physique, parce que il a d'abord été dispo pour un téléchargement illégal, avant de sortir pour sa seule édition française dans un coffret trilogie Firefly. Bah ouais, trilogie Firefly. Et Monsters, il est sur Netflix américain. Je crois que c'est une... Il a une VF pour le coup. Monsters. Oui, okay. Bah, vu que c'est distribué par Netflix, ça m'étonne. Alors, il n'est pas sur Netflix français, par contre. Non, il est sur Netflix américain. Bah, peut-être qu'il est comme Animal, oui, le film indien, où en fait, si tu calibres ton Netflix en anglais, même sans VPN, tu y as accès. Parce que Animal, je sais que tu n'as pas accès sur Netflix français, mais... Si. Ah, il est sur Netflix, il est sorti. Si. Ok, parce que je sais que ça alors, il y avait plusieurs mois où il n'était pas disponible. Je confirme, Lords of Salem, pas sorti en salle en France. Bah, c'est ça, c'est. Et Monsters. Monsters, non, Netflix américain, sûr et certain. Oui, mais je regarde, il n'y a pas une sortie française. C'est... Alors, il s'appelle Les Monstres en France. Oh yes. Bah, c'est ce qui était le nom du. De la série télé, oui. Ouais, je crois. Donc, sur l'échelle, c'est Truy Bourbon. Bah, il est pas très haut. Là, pour le coup, j'aime bien le film, je veux bien le défendre. Alors, pas le défendre jusqu'à la mort, mais je veux bien le défendre. Mais sur Citrouille et Bonbon, bah. Bon, c'est un petit 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ouais, je confirme, pas de sortie française pour Monsters. Donc le doublage doit être québécois. Je pense. Et sortie physique, ouais, Monsters, mais bon. Ok. Et donc on en a terminé. On a terminé. Alors. Avec l'épisode Halloween 2. On vous prévient qu'il n'y aura pas d'épisode en novembre. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va être très occupé pour le podcast. Et en décembre, ça va être très régulier. Très régulier. Mais du coup, profitez d'Halloween. Plein de filles, sachant qu'on fera sûrement un épisode bilan en janvier-février. Janvier. Parce que suite à... Bah, je peux dire, je pars en Inde. Mais bref, pour un échange universitaire, je vais en Inde pendant 3 mois, entre février et avril. On trouvera sûrement des trucs à faire, je sais pas, qu'on enregistre ou des posts, enfin bref, on restera vivant pendant ce temps-là. Mais bref, d'ici là, profitez d'Halloween, voyez des films gore, voyez des films d'horreur, mangez des bonbons, pas trop. Lavez-vous les dents, après. Ça peut être utile. Buvez des bières, ou du thé, ou ce que vous voulez, profitez d'Halloween, profitez de ce merveilleux mois d'octobre, le merveilleux mois de l'année. Parce que faites du trick or treat si vous pouvez, si les gens autour de chez vous jouent le jeu... Le porte-à-porte, vraiment. Ouais, jouez le jeu aussi. Déguisez-vous, décorez votre appart. C'est le seul moment de l'année où on peut être des frics et c'est à peu près accepté. Profitez-en à mort. Écoutez du Ice Nine Kills. Si vous avez l'occasion de voir le clip A Work of Art qui est fait pour Terrifier 3, dont on parlera dans le bilan, voyez-le, c'est littéralement Terrifier 3.5. Mais voyez Terrifier 3 d'ailleurs. Oui. Allez aussi demain. Allez aussi, va soutenir OSC qui sort le film malgré l'interdiction moins de 18 ans. Et nous, on se revoit en décembre. Joyeux Halloween. Joyeux Halloween et joyeux Noël lorsque nous y serons.